Merci pour cette semaine. Merci d'avoir été aussi nombreux à mettre le hashtag là pendant toute la soirée. Love in Fun en super-héros. Voilà, grâce à vous, on est en super-héros. Je sais pas si Mickaël et toute son équipe ont vu un petit peu le... Non, je ferme les yeux exprès. T'es jaloux, hein. Oh là là, énormément, là, énormément. Eh, franchement, il a pas la classe, le doc. Eh, c'est encore le meilleur, hein. Franchement. Une grande classe. Qu'est-ce que je ferais pas, quand est-ce qu'il va faire... Oui, bah. Quand est-ce que je vais faire quoi? Quand est-ce que tu vas recevoir des patientes comme ça? Bientôt, oui. Ah, très bien, bah, parfait. Et ce sera pas des patients, ce sera pas pour les mêmes raisons. Ça, c'est sûr. Bon, bah, bonne soirée à vous. Bisous tout le monde, à lundi. On va faire une petite soirée, là, je pense, déguisée, là. On va continuer. Bah, très bien, parfait. Bah, amusez-vous bien, alors. Hein. Bisous. Bah, merci beaucoup. Salut à vous. À ciao. Lundi, ciao. Allez, bye bye. Et puis, on est parti maintenant en direct jusqu'à 2h. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limites que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, on est, il est 23h01 sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous avez vu nos têtes de vainqueurs sur le Facebook? Je les ai mises, la photo, je l'ai mise tout à l'heure vers 20h. Là, il faut aller voir, on s'est mis en mode selfie. Alors ils vont se dire qu'est-ce que c'est selfie, bah c'est le concept, c'est de se prendre en photo avec du scotch sur la gueule. Ouais, c'est original. C'est original, voilà. Et on a des têtes, putain, tof, on dirait qu'il y a un camion qui lui est passé dessus. Hein. Mais il y a un camion qui lui passe. Ah non, mais là, ouais, mais bon, mais oui. Pire que d'habitude. Non, mais ouais, parce que là, on dirait une camionnette. Mais sur la photo, on dirait vraiment un camion, poum, tu sais, qui lui a pris en pleine gueule, quoi. Y'a que Sandro, ça passe encore. Ouais. Voilà, ah, Polo, pas... non. Alors moi, j'ai une gueule aussi assez violente, quand même. Hein. Ah non, mais c'est assez scandaleux. Donc, allez voir facebook.com/mikaelofficiel sur le Facebook de l'émission, sur l'Instagram et sur le Twitter. Ce soir, on est donc au taquet, bien sûr. Pour la dernière de la semaine jusqu'à 2h et on sera de retour en pleine forme dimanche dès 20h et ce jusqu'à minuit. Je compte sur vous d'ailleurs pour le dire à tout le monde ce week-end. Il y a enfin quelque chose de bien à écouter le soir à la radio et c'est sur Fun Radio de 23h à 2h du matin que ça se passe du lundi au jeudi et comme je le disais de 20h à minuit tous les dimanches soirs. Marine qui est avec nous également. Salut Marine. Salut. Comment ça va Marine? Ça va. T'avais une voix plus sexy hier soir à 2h quand on t'a vu. Peut-être que je m'endormais un petit peu. Ben justement, normalement tu devrais être ça devrait être différent là. C'est pas grave Marine, hein, on est quand même content de t'avoir. T'as passé une bonne journée quand même? Mais si, mais si, bien sûr que si. Bon, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? J'ai gardé mon fiole et mes nièces. D'accord, babysitting aujourd'hui, d'accord, ok, très bien. Alors, tu nous aurais dit, on t'aurait donné tof en plus. Oui. À garder, hein, bien ça sûr. Ira, merci. Non mais c'est pour le garder, hein. Bon, il est un peu sale, mais si tu lui mets des bonnes couches. Oui, c'est ça, des trucs pour vieilles là. Voilà. Des trucs pour vieux là, des grandes couches sur sa gueule. Tu lui donnes pour... un peu de compote, hop, ouais. Et il mange ça tranquille. Hein. Bah oui, mais. De la compote. Avec la compote et de la purée. Un petit Happy Meal aussi le soir s'il a été sage avec le petit jouet. Et puis après, t'es tranquille normalement pour la journée. Hein. De ce côté-là, ça va. Bon, alors on va parler de quoi, Marine, avec toi là, dis-moi. Eh ben, ça fait 9 mois que j'ai pas eu ni de copain ni de relation sexuelle. Alors ma chérie, comment ça se passe Marine? On va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous. Tu as été voir la photo tiens qu'on a mis en mode selfie? Oui, j'ai vu. Ah, alors on est beau ou pas? La plus belle c'est Sandro. Oui, bon, enfin bon, en même temps c'est la seule fille, donc c'est normal que ce soit la plus belle. Mais en termes de, mais en termes de garçon, lequel est le plus beau, Mickaël? Enfin Mickaël, donc moi forcément, Polo ou Tof? Sans aucun doute toi. Oh, c'est gentil, so sweet. Allez, je vais devoir passer Karima dans un état... En Wonder Woman. Ouais, oh là là, c'est dur. Bon, enfin, bonne soirée Karima. Et surtout quand elle va retrouver son taximan qui l'attend en bas, je crois qu'on va se marrer. Wonder Woman, bon, ça va lui faire plaisir. Ah ouais, c'est clair. Donc allez voir en facebook.com/mikaelofficiel. Bon, bah Marine, reste avec nous. Pour venir délirer avec nous, bah, on est là jusqu'à 2h. Donc allez-y, vous nous appelez 01 42 48 5000. Pour la Belgique, 02 851 4x0. Et on parle de ce que vous voulez... Un peu comme tous les soirs d'ailleurs. Sandro va bien également en pleine forme. Ouais, super. Bon, très bien. Avec le scotch sur la gueule, vous pouvez la voir la photo. Je l'ai pas vu. Elle est sur le Facebook. Bah allez, va voir hein, tout ça. Tof qui a toujours toujours sa French manucure. Mais oui, toujours. Elle est là. Ouais, on a mis la photo hier soir hein, parce que Snoop Doggy Dogg à l'ancienne. Bref, qui a fait une French manucure. Du coup, Tof a voulu faire pareil. Ça a aidé pour draguer ou pas non? Pas du tout. Pas du tout. J'imagine. Si t'as eu une petite touche avec le sous-chef. Oui. C'est vrai. Ouais. Qui m'a... Alors c'était très drôle parce que j'étais dans le couloir, donc je sais plus, je me gratte le visage et il me fait mais T'as fait une French ? Mais tu fais une French ? Voilà, donc le sous-chef qui l'a remarqué, c'est bien le seul et unique d'ailleurs. Toujours prêt pour ce soir ? Allez, va, dégage ! Voilà. Mais va te faire enculer ! Eh oui, c'est les nouveaux amis qu'on a eu l'occasion de rencontrer hier. On aura aussi l'occasion d'en appeler de nouveau ce soir. Ah, j'espère. Bah oui, moi aussi. D'ailleurs, si vous avez des numéros de téléphone à nous proposer, n'hésitez pas, on aura... J'ai une bonne idée, tiens, pour les appels de ce soir. Ouais, vous pouvez déjà envoyer les numéros sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Polo général de l'armée des loups. Oui, doux que tu es doux, et doux oui. Que tu sois, viens rejoindre l'armée des doux. Attention, pour être doux, il faut simplement être avoir une voix qui n'a pas encore mué. Et il faut avoir moins de 15 ans, il faut avoir 16 éventuellement, doux. Mais il ne faut pas avoir mué. Mais il faut être doux. Et il faut être doux, évidemment. D'ailleurs, il est l'heure d'aller vous coucher là, tous les doux. Dans pas longtemps. Vous, là. Dans Allez. Pas longtemps, effectivement. Bon, et il y a également Liane qui est avec nous. On dit Liane ou Liane ? Liam. Liane. Liam ou Liam ? Liam. Liam avec un M comme Michael. Oui, voilà. D'accord, parce que dans le standard il y a marqué Lian, alors c'est pour ça que j'avais dit Lian. Bon, bah Liam, bah très bienvenue. Bienvenue à toi. Alors, Liam comme Liam Merci. Gallagher. Très bien, sauf que c'est à la française. T'appelles de Marseille, Liam. Oui, Liam, pardon. Ça. Eh oui, les Bouches du Rhône. Alors, oui. On va donc y aller pour tenter de regagner cette dernière GoPro ce soir. Pour la gagner, il faut que tu poses une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne et tu perds. Si c'est le cas inverse, eh bien c'est toi qui gagneras, tout simplement. D'accord ? Oui. Allez, vas-y, Liam. Fais péter la colle, on y va. Donc, mon premier est une note de musique. Ouais. Mon second est un personnage des Simpsons. Mon troisième est une photo tennis. Et mon tout est orange. Qui suis-je ? Ok, alors on va répéter quand même pour être sûr. Donc, mon premier est une note de musique. Mon deuxième est un personnage des Simpsons. Mon troisième est une photo de tennis. Et mon tout est orange, c'est ça ? Oui, tout à fait. Putain, c'est violent, c'est quoi ça ? Non mais autant d'habitude j'ai un petit peu de réponse. Enfin tu vois je pense trouver relativement facilement. Autant là, pas la moindre idée hein. Mais pas la moindre de chez moindre idée hein. Truc de ouf. Bon bah si vous avez la bonne réponse, bah à vous de jouer hein. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900. Ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien entendu aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Je vous mets la colle dans deux minutes là. Facebook.com/Mickaël officiel. Je crois que Polo a une idée. Ah, Polo une idée pour la colle. La bite. La bite, c'est ça ou pas? Avec un T comme... Non. Ah, merde, non c'est pas ça non. Bon bah tant pis. Bon bah vous avez jusqu'à minuit et demi pour trouver la bonne réponse. Et puis la GoPro sera à gagner à ce moment là. Reste avec nous Liam. T'as envie d'écouter un son particulier toi ce soir ou pas? Bad. Ah oui, Bad, le nouveau single de David Guetta. Ouais. Alors attends, voilà. Voilà, on vous l'avait fait découvrir d'ailleurs sur Fun Radio, hein. Ce pauvre ouais. David. Eh oui, oui, ah bah oui, vas-y, il va divorcer là. Non, apparemment. C'est fait. Ah c'est fait. Ouais, ouais. Ah d'accord. Oh. Parce que moi j'avais eu que des échos et on disait oui, il va probablement divorcer, etc. Non, c'est triste. Ah il a divorcé, ça ouais. Y est, c'est fait. Ah bah oui, bah ça arrive. Hein. Voilà, ça arrive comme quoi, meilleur. Mais comme quoi, je vous dis, ça sert à rien de s'accrocher aux meufs. Bah hein. Voilà. Et toi, Marine, t'as envie d'écouter un son particulier ? Route 94. Oh Marine. Oui, j'adore. On va te chiller pendant que Toff va, Marine. Chier bien sûr Marine, voyons enfin. Tu ne suis rien du tout Marine. Mais oui, on va écouter un autre son que j'aime bien également, la Black Pearl. Voilà, Rebelle avec Sydney House, ce sera Black Pearl. Et puis un autre son que j'aime bien également. Là aussi on va chiller pendant que toi va chier. Hein. Ouais. Ça fait très funky la DJ Cassidy, tu connais Marine ? De nom seulement, très bien. Et bon, pourtant c'est plutôt facile à retrouver de musique, mais pas forcément de nom. Calling All Earth, c'est ce qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis bien sûr, Pharrell Williams. Puisque c'était la journée, la Happy Day aujourd'hui. Toute la journée d'ailleurs, c'est encore jusqu'à minuit. Il vous reste 50 minutes pour balancer toutes vos photos où vous êtes en mode happy aujourd'hui. Puisque c'est la journée de la journée des joyeux aujourd'hui. La journée des gens heureux. Voilà, donc Happy Day Fun Radio avec le hashtag pour balancer vos photos. Et puis bah, Pharrell Williams, j'ai mis d'ailleurs la photo de son nouveau chapeau qui met en vente hein. Je bien kiffe. Cher d'ailleurs hein. Allez kiffe. Voir photo très sympathique facebook.com/mickaël officiel. Bah vous allez voir tout simplement. Liam, tu restes avec nous. Et Marine, bah écoute, on va essayer de trouver une solution à ton problème hein. D'accord. Bah ça fait 9 mois que t'as pas vu le loup, alors forcément non mais je comprends que ce soit un peu compliqué. Autre histoire de dingue d'ailleurs, puisqu'on est dans les histoires de dingue, c'est un prof qui veut que ses élèves se taisent en classe et comme il n'y arrive pas, bah il les menace de donner la fin de Game of Thrones. donc Attard. Les élèves se foutent de sa gueule, etc. Ouais, tu seras pas cap, ouais, bien sûr, etc. Non, je crois surtout qu'il pensait que le mec il connaissait pas. Il connaissait pas non plus. Bah du coup, en fait, il donne le nom d'un mec qui va bientôt mourir dans la série et là. plus personne ne parle en classe. Putain. Comme quoi, ça fonctionne. Les profs, si vous nous écoutez, ça peut fonctionner sur la série qui déchire tout. Donc venez nous raconter, vous, si vous avez déjà eu des petites histoires un peu dingues avec vos profs. T'as rien à raconter, toi, Marine, à ce sujet? Non. Jamais un prof, t'as fait un truc bizarre ou quoi? Non, rien. Moi, j'ai jamais porté d'intérêt à mes professeurs. Oh, d'accord. Wow. Oh, elle est rebelle, Marine. Elle a raison. Mais ouais, elle est rebelle. Marine. Elle est rebelle, Marine. Bon, ben reste avec nous, Marine. On va parler avec toi dans quelques minutes. Appelez-nous, on délire ensemble toute la soirée jusqu'à 2h du matin. Et puis, à suivre aussi de Shinsekai. Avec du berceau linceul. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement, il n'y a plus de pub maintenant sur Fun, on est reparti là. Vous nous appelez hein, si vous voulez délire avec nous. On est là jusqu'à 2h du mat, car oui, vous avez enfin trouvé quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. Et ça tombe bien, c'est entre 23h et 2h et c'est sur Fun Radio. Yannès qui dit David et Cathy Guetta divorcés, je suis choqué. Bah oui. Ah, c'est la vie. Ah bah oui, qu'est-ce que. Ça faisait 20 piges en plus, je crois qu'ils étaient ensemble. Même plus, ils sont là, ils se connaissent depuis qu'ils sont ados. Enfin, quand ils étaient en boîte, ils se sont rencontrés là-bas. Ah ouais. Et Hugo qui dit c'est je suis scotché de voir votre tête scotché. Oui, on a fait un nouveau délire tout à l'heure. Vous pouvez aller voir la photo sur le Facebook de l'émission. On s'est mis en mode selfie. Voilà, donc selfie, c'est simplement faire une photo comme un selfie. Sauf qu'on est, on a la gueule scotchée. Donc allez voir, on direct fait passer sous un camion. Donc allez voir facebook.com/mikl officiel. Allez, on fera les appels aussi avec Tof dans quelques minutes. Et puis on va se faire, bah, je l'ai promis, le son de Shinsekai sur Fun Radio du berceau au linceul. Il est 23h13, bienvenue à vous, c'est Mickaël No Limit. On est là comme tous les soirs jusqu'à 2h du mat. Et puis le dimanche également, attention, on sera de retour dimanche en pleine forme entre 20h et minuit. Faites passer les messages à vos amis. Du berceau au linceul, je me bats dans ma life. Shinsekai à l'instant sur Fun Radio, c'était du berceau au linceul. Mickaël, No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est toujours en direct avec Nesvian sur le Facebook. Il y a force de donner des coups de pelle à Tof. Il devient comme ça. Oui, c'est ça en fait. Oui. Bah, vous pouvez voir sur le Facebook de l'émission, il a exactement la tête qu'il a à cause des coups de pelle. Je le confirme. Ah bah oui. Ah ouais, d'ailleurs là, il est parti se remettre un petit coup aussi d'ailleurs aux toilettes, à mon avis. Il y a Damien qui dit en fait, c'est ça, Ribéry, il y a constamment du scotch sur sa gueule. Et Mystique, il est magique la photo en cellotape selfie là, de l'équipe de Mickaël No Limit. Merci, on est Mystique. Beau, moi, je trouve. Mais grave. Franchement, moi, ouais, je pourrais bonder sur nos. Mais moi, c'est fait, j'ai une petite érection. Ah, là, carrément. Bah, attends, c'est la carrément. Classe. Bah, attends, c'est vrai. Magnifique. Il y a en tout 47 également sur le Twitter. Et Mickaël, comment ça va ce soir? Prêt pour démarrer la première du printemps? Ah oui, c'est vrai, c'est la première du printemps, et effectivement. Et en fonction de l'inclinaison de la Terre, alors j'ai appris ça, jusqu'en 2044, le printemps arrivera le 20 mars. Ensuite, jusqu'en 2120, ce sera le 19 mars. 2120. Et après 2120, ce sera de nouveau le 21 mars. Voilà, c'était la petite, le petit moment culture. Bah, merci pour ça. Écoute, avec plaisir, moment culture, vous savez bien que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous demander. Hein. Mais comment sera le monde en 2120? Eh ben, je viens de te le dire, le printemps démarrera le 21 mars. D'accord, bah voilà. Et donc jusqu'en 2044, ce sera le 20 mars. Putain. Ensuite, le 19 mars. Est-ce que tu crois que Tof sera encore décédé? En non, il sera décédé. Il sera décédé. Ah oui, oui, bon. Oui, bien sûr. Bien tant sûr. Mieux, ça me rassure. Dans d'atroces souffrances. Ah, voilà. Tu me fais plaisir. Bon, on se fait plaisir parce qu'il est pas là, donc il peut pas répondre. Ce chien. Il y a Elliot qui dit vous avez des drôles de têtes. Oui, t'as remarqué aussi toi quand même. Hein. Ouais. Fredes 34, bonsoir la team. Salut Fredes 34. Hugo Réo également qui dit vous êtes toujours, cellophile, lol. Et puis Sophie aussi sur le Twitter, non sur le Facebook. Bonsoir à toute l'équipe. Salut Sophie, Devers 45 et coucou à toute l'équipe. Comment va pour cette dernière avant le week-end? Moi ça va très bien. Et ben nous on va très bien également. Oui. Hein, continuez comme ça d'ailleurs à balancer tous vos messages. Hashtag Mickaël, on fera le top tweetos tout à l'heure à 2h du matin. Donc pour gagner votre sextoy offert par passagedudésir.fr. On est en train de faire des tests avec une nouvelle voix. Ouais, on va voir si bien. Ça prend ou si ça prend pas. Passagedudésir.fr. Mais bon, donc si vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël et que vous êtes numéro 1 dans le top tweetos tout à l'heure, eh bien vous repartirez avec justement ce sextoy. Passagedudésir.fr. Ouais. C'est bon. Il croit que c'est le truc on de a, sa vie. On a également mis la vidéo là du burger, le triple burger by Polo, qui est sur le Facebook. On a eu l'occasion de faire, c'était dimanche soir chez Mathieu dans son salon à Grenoble. On a fait l'émission en direct du salon de Mathieu à Grenoble. Et bah comme vous le savez, chaque fois qu'on se déplace chez les auditeurs pour faire l'émission, on fait un dîner presque parfait. À Noyon, il y a un mois et demi en Picardie, c'était Toff qui s'y était collé. Ouais. Là, c'est Polo qui s'y est collé. Et la prochaine fois, bah ce sera moi. Voilà. Ah. Et je ne sais pas encore où on va aller, mais on va y aller, c'est sûr. Un Dieu le peut plus aussi qui dit bonsoir l'équipe. Pas trop le moral ce soir, si vous voulez en savoir plus, je veux bien passer à l'antenne. Bah qu'est-ce qui va pas, Indiou Piu Piu là, bah, appelle-nous là, vas-y, 01 42 48 5000, tu nous appelles et tu passes à l'antenne sans aucun problème. Bon, on va récupérer également Marine dans quelques minutes et nous avons aussi Sarah. Comment ça va Sarah? Ça va et vous? Salut. Écoute, Sarah. Écoute, ma foi, pas trop mal, le week-end arrive. On est un peu claqué, je dois pas le cacher quand même, hein, entre les soirées qu'on a fait au Havre, dans le nord de la France il y a deux semaines, le ski et Grenoble le week-end dernier. Je t'avoue que je ne serais pas mécontent de retrouver mon pieu. Et les réunions à midi. Et les réunions, oui, à midi et demi, exactement. Et après, on veut nous faire croire que c'est lapidé Fun Radio. Tiens, là, on est arrivé avec des poches, c'est-à-dire qu'elles étaient dans les chaussures, les poches qui sont en dessous des yeux. Ils vont se reposer. Bah, exactement, ouais. Donc, ce week-end, à mon avis, pépère. Ouais, bon. Mais ce qu'on dit. De quoi, Sarah? C'est ce qu'on dit. Non, ouais, franchement, ouais, non, ce week-end, il faut rester pépère. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on va arriver dans notre lit, on va décéder, on va arriver trois jours. Exactement, on va revenir dimanche, 20h en pleine forme, et c'est le principal. Alors, Sarah, t'as passé une bonne journée, toi? Ouais, ça va. Bah, qu'est-ce que t'as fait de beau à Lyon? Boulot. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans un magasin de literie. Deux litres. Ah oh, oh, putain, eh ben on vient. On va dormir tout le week-end dans le magasin de literie, on va tester tous les matelas. Eh, Sarah. Ouais. Ça, moi je veux bien essayer un lit avec toi puisqu'apparemment ça fait longtemps que t'as pas eu Bah non, tu confonds avec Marine. Ah pardon, ouais. Bah, Sarah nous appelait pour autre chose. Tu nous appelles pour quoi d'ailleurs, Sarah? Bah ça fait 7 ans que je suis avec mon copain. Ah oui, c'est tout à fait l'inverse de Marine alors, très bien. Ouais, désolé. C'est pas grave. Et du coup bah, on vit toujours pas ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse passer le cap et lui il veut pas. Mais passer le cap, coucher ensemble, vous avez déjà fait. C'est habiter ensemble que tu veux faire. Ouais, habiter, se marier. Ouais, mais... Oh là là, mais c'est mal le mariage, ça sert à rien. Ça sert à rien. Regarde David et Cathy Guetta, là, ils sont mariés. Hop, mais je m'en fous de... Et ça va coûter un bras, etc. Je croyais que t'allais dire David et Jonathan. Non. On a un scoop. Non, mais... Non, mais regarde, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même pas déconner. Le mariage, alors, je veux bien habiter ensemble, ça c'est pas un problème, mais pourquoi se marier? À quoi ça sert, sincèrement? Bah, disons que pour nous, pour le couple actuel, on a le choc des cultures, en fait. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que le choc des cultures, c'est que lui, il est chrétien, moi, je suis musulmane. Et alors? Voilà. Et alors? T'as rien à foutre? Ouais, et du coup, bah, si je veux vivre avec lui, forcément, la suite logique... Faux! Bah ouais, bah c'est ça. Oh, tu dois pas te marier? Tu n'as pas d'obligation de conversion, tu sais ça? Oui, mais la suite logique, c'est... Non, mais la suite logique, oui, une fois que tu nais, la suite logique, c'est que tu vas clamser. Mais bon, il y a un moment, tu fais comme tu veux, tu vois, si t'es heureuse... Non, mais c'est vrai, mais si t'es heureuse comme ça, en habitant ensemble, voilà, je veux dire, moi, je suis avec ma meuf depuis longtemps, on va pas se marier, enfin, ça sert à rien. Ou alors, mais déjà, parce que ça me fait chier de donner à bouffer à tous les picassiettes qui vont venir. Toff sera témoin, en plus. Ça, c'est la première chose. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a un moment, faut quand même pas déconner. Donc, si je me marie, ce sera à Hawaï, à l'autre bout du monde, où je suis sûr que les gens qui vont venir vont vraiment venir. Pour le mariage et pour nous, tu vois. Ils vont pas venir pour se dire je vais bouffer comme un porc parce que c'est à côté de chez moi, tu vois. Tous les pique-assiettes, la plat, dehors. Non mais c'est vrai, maman, faut faire le ménage. Bah ouais. Bon, dites-nous, tu vois, vous, si vous êtes déjà en couple et vous habitez ensemble, vous habitez pas ensemble, comment ça se passe? Appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, reste avec nous, Sarah. Ouais. On va récupérer Marine. T'as vu, Marine, toi, c'est tout à fait l'inverse, c'est quand même dommage, hein. Oui. Ah ouais. Bon, explique-nous peut-être en deux mots, Marine, là, comment ça se fait que t'es célibataire depuis 9 mois et que fatalement t'as pas vu le loup depuis 9 mois? Eh ben, je sais pas. Le dernier que j'ai eu en date est allé voir ailleurs et depuis, je pense qu'il y a un petit blocage. Ouais, mais bon, il est allé voir ailleurs. T'étais avec lui depuis combien de temps? Peu de temps, donc ça me touche pas vraiment, mais. Bah si, s'il y a un blocage, c'est que ça te touche. Bah, ou t'aimerais bien te toucher, bon après ça c'est... Si c'est que ça, moi je peux rendre service, hein. Ouais, non, mais justement, en plus avec sa French manucure, là je peux te dire que... Comment t'expliquer? Bah, j'ai la même que lui. Oui, bah, mais voilà. t'es une fille, ça change tout. On est fait pour s'entendre. Ouais, c'est ça, ouais, non, ça on a la même tout. French. Ah, super. On nous a appelé hors antenne pour dire que... Sur la French. Ouais. Ah oui, il y a le sous-chef qui a appelé pour dire qu'on était des connards. Voilà. D'accord. Donc nous aussi, on l'aime, bien entendu. Bon, donc le sous-chef, parce que c'est le seul qui a remarqué à la radio que Toff a fait une French manucure hier soir en direct dans l'émission. Mais c'est là que j'ai vu que c'était un homme de goût. Ouais, ouais, tu parles. Quelle horreur. Bon, Marine. Oui. Est-ce que c'est peut-être physique? T'as des mecs qui viennent te draguer et c'est toi qui les vires? Ou alors c'est... Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Et tu les vires parce qu'ils viennent te draguer comment? Style comme Tof? Oh salut, tu baises? Ou non, ils sont quand même un petit peu non, plus... Non, parfois c'est avec classe et parfois c'est comme Tof, mais... Tof ne drague jamais, c'est faux, il ne c'est drague vrai. Jamais. Il attend que ça vienne. Ouais. Je lance l'hameçon. Ouais, quel hameçon? Et putain, après je les remonte. En bois, ouais, c'est ça, ouais, tu parles, un hameçon de merde. Attends, il y a aussi Adrien avec nous de Montbéliard, dans le Doubs. Salut Adrien. Salut. Ah, tu es doux. Salut tout le monde. Non, il est du Doubs. Ah, pardon, il est pas doux. Ça va bien? Ça va, et vous? Bah très bien, Adrien. Toi, tu voulais réagir à Marine? Toi, t'es célibataire depuis combien de temps? Moi, ça fait 3 ans, moi. 3 ans. Eh, j'allais dire, en plus, Marine, moi, je suis resté 2 ans et demi célibataire, si mais plus ou moins. Hein. Donc, voilà. Non, mais tu vois, il n'y a pas d'urgence. Non, mais quand tu dis 3 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu bourrage, débourrage, il n'y a rien eu? Si, il y a eu bourrage entre-temps. Ah, hein, d'accord. Y a eu ah, tu fais peur. Ouais, donc t'as eu des sex friends, tout ça. Ah oui, oui. Moi, oui. Je suis resté 2 ans et demi célibataire, rien. Oh ouais, pendant deux... Oh. Mais je sais pas, j'avais pas envie, il n'y avait rien. J'étais vache maigre. Ça arrive. Mais ça arrive. J'avais le même âge que Marine à peu près. Hein. C'est-à-dire que. Elle a 19 ans. Donc c'était il y a 3 ans. Ah, ça va, elle est jeune encore. Hein. Oui, bah, bien sûr. Mais bon, tu sais, à un moment, à 19 ans, tu te dis que t'es dans la fleur de l'âge, que t'as envie de consommer, de surconsommer, etc. etc. Et voilà. Bon, bah, reste avec nous, Adrien. On aura Florian en quelques minutes. Sarah est toujours avec nous. Il y a Nicolas qui va nous raconter une petite histoire là, de ce qui s'est passé avec un prof. Je rappelle qu'il y a un prof donc qui. C'était où encore? C'est aux États-Unis. Oh, c'est aux États-Unis, ouais, d'accord. Sûrement, ouais. Donc il est prof, il y a les élèves qui foutaient la merde dans la classe, il n'arrivait pas à les faire taire. Et il a dit si vous vous taisez pas, je raconte la fin de Game of Thrones. Et bah du coup les élèves ne se sont pas tus, il a balancé depuis, plus personne n'a parlé, ce qui est quand même beau. Ouais, c'est ce qui est quand même très très beau. Et donc du coup je voulais savoir si vous aviez des petites histoires à nous raconter par rapport à des profs. Salut Nicolas de Paris. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien Nicolas. Bon alors c'est quoi ton histoire avec ton prof toi? Alors bah moi j'étais encore l'année dernière en 3ème et j'avais une prof d'histoire, plutôt blonde, plutôt un peu cougar, tu vois l'histoire. Ouais. Et je me battais avec un copain et. Enfin des délires de gosse, tu vois. Et elle a pris un compas et elle m'a mis une fessée pour me calmer avec. Ah c'est bon ça. Ah ouais. Tu vois, c'est pas mal quand même. Ah, mais pas mal, ouais. Un compas. Sur le moment tu comprends pas. Mais comment elle a fait pour te mettre une fessée avec un compas? Oh, je sais pas, j'étais retourné et tout, je m'étais levé et tout, je me suis battu avec lui, elle a pris le compas, elle m'a mis une fessée avec. Non mais un compas c'est un truc pour faire des cercles, avec une petite pointe et un morceau de crayon de l'autre côté. Non, un vrai gros compas de tableau. Ah, celui en bois, le gros en bois là, avec la craie de l'autre côté. Ah oui, ah, je détestais ça. Mais il était bizarre. Non mais chaque fois que tu l'utilisais en fait ça fait un... Tu sais ça grinçait comme ça sur le tableau, c'était une horreur. Ouais. C'était une horreur. Ah ouais, donc t'as pris cher toi Nico, t'as eu la trace? Ah ouais, j'ai eu la trace. Oh sympa, j'adore. Bon, très bien. Appelez-nous les autres hein, si vous avez d'autres histoires comme ça là. 01 42 48 5000 ou alors sur le Facebook, c'est sur facebook.com/mikaelofficiel. Balancez vos messages évidemment. Merci Nico. Ah, merci à toi Mikael. Hein. Bah, avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux. J'embrasse Tof aussi. Hein. Mais moi aussi, je t'embrasse avec la langue. Il est ravi. Salut à toi Nicolas, à bientôt et bon week-end. Salut, à bientôt, ciao. Alors, bonne nouvelle, ça y est, j'ai dit que j'avais le thème des appels de Tof ce soir. Eh ben, mauvaise nouvelle pour vous les filles. Ah, oui, on va partir là-dessus. Mais, si vous avez déjà eu plus de 5... Attends, Sandro, t'as eu combien de mecs toi déjà dans ta courte carrière? 4. Parfait, ah bah putain t'as de la chance. Car si vous avez déjà eu plus de 5 mecs, vous avez de fortes chances de finir seul. Et oui, c'est une grosse enquête qui a été faite. Et pour une fois c'est une étude française qui le dit. Attention, c'est pas anglais ou américain. Donc si vous avez eu plus de 5 partenaires les filles, vous n'arriverez jamais à trouver le bon. Donc les filles, si vous êtes au 4ème, faites gaffe, hein, Sandro, ouais, le prochain sera le bon ou c'est mort. Hein. C'est vrai? Ah, ouais. Ah, bonne nouvelle. Hein. Ah ouais, bah ou alors c'est terminé. Hein. Donc, en même temps, vu mon âge, ton âge avancé. Ouais, je rappelle que Sandro fêtera demain ses 77 ans. Mais... Et qu'il y a un moment, effectivement, bah. Vous savez c'est... comment on est les filles, nous. Hein. Ah, ouais, à ouais. Un certain chiante. Âge, on commence à chiante. S'inquiéter gravement. Chiante. Et très chiante. Aussi, c'est aussi. Ça. Bon, donc tu vas voir Tof avec tes amis, du coup, hein, tout bah, à l'heure. Hein. Je vais leur poser la question. Ah, bah, voilà. Combien de partenaires ils ont déjà eu afin de voir si, oui ou non, ils risquent la catastrophe. 23h29 sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue, si vous venez de débarquer, vous avez enfin trouvé un truc à écouter le soir à la radio. Terminé de devoir écouter des émissions ou des radios chiantes. Vous êtes sur Fun, on est là tous les soirs jusqu'à 2h. Et on écoute Martin Garrix maintenant, c'est Proxy sur Fun. Mickaël. Ferme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. Exactement, on est toujours en direct sur Fun Radio avec dans quelques minutes le son de Major Lazer. Ce sera avec Sean Paul et puis ce sera Come To Me. On a aussi Xavier qui dit c'est moi le cinquième pour Sandro. Bah oui, bah bien sûr. La petite fée qui dit bientôt 3 ans que je suis célibataire et bientôt 3 ans que j'ai pas couché avec un mec par choix. Ah putain, la petite fée, il y a un moment il doit y avoir des toiles d'araignée là, non? C'est ça, un moment faut faire l'entretien, faut décrasser. Hein. Ça doit être bien sale là quand même, hein, la petite fée. Christopher sur le Twitter, je suis malade, mon idole. Bah qu'est-ce qui t'arrive, Christopher? Et Kent aussi, Kent Dare. Qui dit hello l'équipe, moi je suis déjà en week-end, et bah profites-en bien. Et Injul Piu Piu qui dit ouf, je garde espoir, j'en suis à deux mecs dans ma vie. Oh bah ça va alors. Eh, appelle-nous Injul Piu Piu là, tu nous as dit tout à l'heure que ça allait pas bien là, et que tu voulais passer à l'antenne, donc bah appelle-nous, voilà, et puis dites-nous. Mais d'ailleurs, oui. Combien de mecs ou de meufs vous avez déjà eu dans votre vie? Puisque apparemment pour les filles, si vous avez déjà eu plus de 5 mecs, eh bien vous risquez de ne plus avoir aucune chance de trouver le bon. Je vous ai mis la colle, je vous ai mis la question sur le Facebook et le Twitter de l'émission. J'attends vos réponses maintenant. Mais... facebook.com/mikaelofficiel. Voilà, donc je pose pas la question. Les plans cul, ça compte ou pas? Les plans cul. Ça compte pas les plans cul. Non, les plans cul. Bah non, parce que pas. Tu restes pas avec. Bah non, tu entretiens pas de relation avec. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les femmes oublient les plans cul, ouais. Alors que les hommes, eux, n'hésitent pas à en rajouter. C'est vrai qu'on en parlait au bureau tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on pas a. D'accord, ça fait 6. Ouais, ah bah t'es morte alors. Non, bah c'est mort. Bah voilà, comme ça c'est plié. Et Céline depuis l'application Mickaël No Limite qui dit le samedi 5 ou dimanche 6, on vous accueille à Nice, plan sûr, et ce sera avec le plus grand plaisir de vous accueillir si vous voulez, bien sûr. On a autre chose que des hamburgers à vous offrir, de la soca ou de la pissaladière ou couscous même. On a de la place pour votre matos, c'est Céline. De la pissaladière. Tof, tu prends contact là le 5 ou 6 là, justement, 5 ou 6 avril, on fera mon pré-anniversaire. D'accord. Hop, à Nice. Pépère. Et en plus c'est bien parce que Lesbi Freak va être heureuse, elle va retrouver son chéri. Elle va venir. Et tout le monde sait qu'à Nice la spécialité c'est le couscous, hein, parce... Bah bien sûr. Il y a c'est plus près du Maroc que Paris par exemple, tu vois, donc à Nice. Il y a Aurélie qui dit coucou Mickaël, on voudrait écouter le son de Black Pearl. Merci à tous. Bah on va te le mettre dans quelques instants le Black Pearl là. Reste avec nous Aurélie. Et Romain qui dit moi je viens de me faire larguer par ma meuf, ça compte pour appeler? Bah oui si tu veux Romain, n'hésite pas surtout. Bon allez, on y va, on appelle les premiers appels justement déjà, maintenant. Allez, bah oui, bah on y va, on pas perdre de temps là. Grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, on appelle ce soir des gens afin de voir à combien ils en sont en termes de copains ou de copines, afin de voir s'ils vont oui ou non trouver l'amour de leur vie grâce à cette étude française sur laquelle nous sommes tombés. Si vous avez déjà eu plus de 5 copains ou copines, vous avez très peu de chances de tomber finalement sur le bon ou la bonne. Ouais, c'est trop tard. Ouais, c'est vrai. Dommage. Allez hop, c'est parti. Autant dire que pour Tof, c'était totalement décédé. Hein. C'est terminé. Terminé. Mais je me faisais plus d'illusions. Oui, oh, bah, vaut mieux. Allez, 23h35, ça va, ça dort pas encore quand même. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Allô ? Monsieur ? Allô ? J'ai peur que cette conversation soit un petit peu à sens unique. Oui, c'est l'impression que j'en ai aussi. Oui. Attends, on va rappeler. Oui, parce que là, j'ai l'impression que c'était un petit peu plié d'avance. Bon. Oui, allô ? Oui, allô. Oui, je m'excuse, on a été coupé. Je vous appelais parce que je voulais savoir avec combien de partenaires votre femme avait déjà eu des rapports sexuels. Non, mais c'est quoi ce bordel là? Bah, c'est une question, monsieur. Ah, sens unique alors. Ah, oui, on rappelle quand même ou on abandonne là? Bon, encore un coup. Bon, allez, attends. Hop, c'est parti, on rappelle. Et ta mère en a combien des rapports sexuels là? Mais je veux pas le rapport monsieur, allô. En tout cas il a compris la question. Oui, c'est déjà ça. Bon du coup on va le rappeler parce que j'ai peur qu'il se soit raccroché au nez lui-même. Oui, ce qui est quand même... Bah oui, ce qui est quand même con là. Allez hop, on y retourne. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre mari mais on a été coupé. Oui, c'est à quel sujet? Mais en fait je voulais savoir avec combien de partenaires vous aviez déjà eu des rapports sexuels. Mais qui êtes-vous, monsieur? Moi, je m'appelle Tof, madame. Non, mais attendez, est-ce que vous allez arrêter d'appeler, là? C'est quoi ce délire, là? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, savoir avec combien de partenaires vous avez déjà eu des rapports, madame. Mais attendez, c'est une blague? Qui êtes-vous? Moi, je suis Tof, madame, je vous l'ai déjà dit. Mais Tof, je l'emmerde! Oh, ben non, madame, vous pouvez pas me dire ça! Si. Non, mais attends, mais lui, il est... Ah merde, lui il est quoi? On ne sait pas, fou, ah. Con... Tof, je l'emmerde! Mais oui, attends, on va le rappeler, la petite dame, là. En tout cas, elle a plus de... discussion que son mec, hein. Bon, on y retourne. Puis en Major Lazer à suivre aussi avec. Oui, allô. Oui, je m'excuse, madame, mais vous avez encore accroché trop vite, vous avez oublié de répondre. Mais je n'ai... Non, mais attendez, je n'ai rien à répondre. Bah si, en fait le principe c'est quand on vous pose une question, madame. Non mais attendez, là vous allez insister toute la nuit. Moi je tiens quand même à dire que là demain je travaille. Oui. Vous n'avez pas à téléphoner comme ça et je ne vous connais pas. Et donc voilà, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah juste savoir avec combien de partenaires vous avez déjà eu des rapports sexuels. Mais qu'est-ce que c'est, ce gros malade? Mais je suis pas malade, je vous pose juste une question. Eh ben, je vais vous dire 10. Voilà, ça vous va? Bah, moi, ça me va, mais pour vous, par contre, c'est embêtant, madame. Pourquoi? Bah, parce qu'au-delà de 4, ça veut dire que vous allez finir vieille fille. Ah, c'est pas moi qui le dis, madame, c'est une étude, hein. C'est des scientifiques, hein. Ils se sont posés sur la question, et voilà. Oui, donc... bon, ben, très bien, bon, ben, alors, voilà. Et alors, ça y est, qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Bah, vous allez dormir, et puis moi, je raccroche. Eh ben, c'est formidable. Eh ben, je vous souhaite une bonne nuit. Allez, ben, au revoir. De même, madame, au revoir. Au revoir. Mais vous allez finir vieille fille. Allez, ben, c'est super. Je suis trop contente. Allez, au revoir. Bah voilà. Bah. Bah voilà, mais très bien, bon appel, constructif, bah positif, voilà, elle est prévenue, classe. On lui a dit, j'ai été insulté, bah, on était bien, on et était ben bien. C'était le parfait. Voilà, bon, il y a une duel Pio Pio qui dit, si les plans cul ne comptent pas, j'en suis bien un mec, alors PS, est-ce que c'est gratuit pour passer à l'antenne de la Belgique? Oui, c'est 02-851 4x0 depuis la Belgique, si vous voulez nous appeler, et c'est un numéro non surtaxé, donc bah si t'appelles d'un forfait, enfin d'un téléphone portable, ça décompte, quoi, normal. D'une ligne fixe, 9 fois sur 10, ce sera gratuit d'une ligne fixe, et puis d'un portable, ça va décompter une minute. Où on rappelle directement derrière. Donc nos malaises. Voilà, il y a Virginie qui dit plus de 50 et j'ai pourtant trouvé le bon. Bah tu sais pas Virginie, tu nous diras ça à la fin de ta vie si t'as trouvé le bon, tu peux pas le savoir aujourd'hui. 50. Ah ouais, et Titi également sur Facebook. Salut, moi j'ai mon prof de maths qui a pété un plomb, il a balancé sa calculette à travers la pièce et je veux mon message de bienvenue avec plaisir. Allez, va, dégage. Voilà Titi. Et Morgane aussi, salut, je vous écoute comme tous les soirs, perso je kiffe. Bah c'est tant mieux, plutôt une bonne nouvelle même. Retour avec Marine. Oui. Bon, Marine nous avait appelé car ça fait 9 mois qu'elle est célibataire, 9 mois qu'elle n'a plus vu le loup, n'est-ce pas? Ou l'anaconda. Voilà, c'est ça. Il y a Florian qui voulait réagir également par rapport à toi. Et Marine, j'ai peut-être trouvé chaussure à ton pied. Ah, quel homme ce Michael. Ah oui, je sais. La perle rare. Exactement. Quoi? Il vient. Non, pas moi, Marine. Moi, je ne suis pas du tout la perle rare. Loin de là. Je suis même une sous-merde par rapport. Ah, mais oui. Humble. Mais si, non, mais c'est il vrai. Il est humble. Mais par Michael rapport, est trop bon. Par rapport à Jean-François. Jean-François. Oh mon Dieu. Oui. Comment ça va, Jean-François? Comment ça? Eh. Hey, muy bien. Muy bien. Et tout. Eh. Oui. Donde está la mama de Pedro? Eh oui. Bon, eh Jean-François. Oui, dis-moi. Bon, écoute, mais on commence un peu à se connaître. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, depuis le temps que tu passes. Et Jean-François, j'ai une bonne nouvelle. Je t'ai trouvé une petite toute fraîche. Oh. Ah oui, elle a 19 ans. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marine. Elle est magnifique. Elle est superbe. Tu veux que je refasse un tour? J'avais déjà fait un tour hier, mais on va recommencer. Marine, combien mesures-tu? 1m68. Combien pèses-tu? 58 kilos. Oh là là! Quel est ton tour de poitrine? 95D. Oh là là! Et la taille de les pantalons que tu as acheté? 38. Qu'est-ce que tu dis, JF? Je me marie avec elle. Tu te maries avec elle, oui. Enfin, ne t'emballe pas, faut d'abord faire connaissance, mais, tout ça. Mais t'as vu, JF, nous, on te fournit pas de la merde. Ah non? Un peu forte. Un peu de quoi? Forte. Qu'est-ce que tu dis? J'ai une femme un peu forte. Ah. Oui, mais elle est pas forte. Hein, attends, c'est quoi le bordel là? C'est chez Jean-François que ça merde dans le téléphone. Hein. Bon, Jean-François? Oui. Elle est pas forte, elle a juste une belle paire de boobs. Hein. Je veux pas lui parler. Ah bah si, elle est là. C'est Cristal qui est forte. Attends, parce qu'il y a Cristal apparemment qui est déjà au standard. Alors ça gueule déjà, alors attention. Elle est en colère. Ah bah ouais, bah, mais non, elle commence. Elle est jalouse. Bah certainement. Bon, alors attends, Jean-François. Oui. Je te présente Marine, elle est là, elle est belle, elle est magnifique, elle est ravissante, elle t'écoute, elle est pour toi. Marine. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, tu vas bien? Ça va et toi? Ça y est, on va les laisser à deux, hein. C'est déjà entendu une jolie voix comme ça, toute petite voix. C'est gentil. C'est ton prénom déjà? Marine. Moi c'est Jean-François. D'accord, enchanté. Marine, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ça peut aller ensemble. J'ai déménagé, j'ai pris un F2, j'ai emménagé il y a... Ouais, enfin on s'en fout, Jean-François. Oui, enfin, pas, on s'en fout, là, Jean-François, du déménagement, là. Et tu m'as dit quand? Tu veux, Marine? De quoi? Allô? Tu veux en payer à deux? Non, peut-être pas vivre à deux, mais je veux bien te rendre visite chez toi, qui sait? Tu veux venir chez moi? Bah oui, pourquoi pas? Ah, ça ferait plaisir. Tu m'accueillerais? Mais sur mon cœur. Ah, ça va alors. Et merde, Jean-François! Oui. Putain, il y a Cristal qui est arrivé là, elle est au standard. Ah non. Ah si, oh putain. Elle est vraiment mal. Jean-François, on fait comme si de rien n'était avec jalouse. Ouais. Salut Cristal. Allô? Allô? Oui. Qu'est-ce que j'entends? Je t'ai trompé. Non. C'est pas bien. Salaud. Bon, Jean-François. Bon, attends, Jean-François, reste là deux secondes. Cristal, bouge pas. Jean-François, reste là. Marine, reste là également. On va revenir. Là, le standard est blindé là. Donc appelez-nous encore si vous voulez passer avec nous ce soir. On est là jusqu'à 2h du mat. Et vous pouvez aussi nous envoyer votre SMS Salut si vous voulez. Tous les soirs, Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on revient avec Major Lazer sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de cons. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, on est toujours en direct évidemment sur Fun Radio avec notre ami Liam qui est avec nous de Marseille toujours et qui va nous refaire sa petite colle. Liam, t'es toujours là? Oui. Très bien, allez, vas-y, refais péter la colle pour gagner la GoPro ce soir. Je vous rappelle que je vous ai mis également la colle sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel, et que vous pouvez bien sûr y répondre et tenter du coup de repartir avec cette petite GoPro magnifique, toute belle, toute neuve. Elle est là, elle est prête à être envoyée. Bon, vas-y Liam, fais péter la colle. Alors, mon premier est une note de musique. Mon deuxième est un personnage des Simpsons. Mon troisième est une faute au tennis et mon tout est orange. Voilà, si vous avez la bonne réponse, alors c'est découper les mots, hein, attention, hein, faites attention. Donc vous envoyez simplement M.I.K.L. suivi de la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique, pareil aussi donc sur le Facebook comme je le disais. Il y a Charlie qui avait envoyé son message, Charlie qui disait pour la GoPro c'est le bistrot. Non. Non, alors on proposait un kiwi. Non plus. Non plus, très bien. Bon, bah, les autres, facebook.com/mikl officiel, en toute simplicité. Bon, bah, Liam, on donne la réponse avant minuit 30. Tu restes encore avec nous? Oui. Très bien, alors ne bouge pas de là. Bon, Sarah? Oui. Bon, reste là aussi. Hein. Tu veux pas que je te présente Jean-François par hasard? Non, ça va bien. Ah bon, parce que sinon, il est disponible, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, Jean-François? T'es disponible? Oui, mais Sarah ne veut pas, Sarah. Non, mais c'est Marine. Oui, mais Sarah, c'est Marine. Elle est déjà prise, Sarah. Ouais, ouais, bah, ah oui, c'est vrai, Sarah est déjà prise. Bon, Marine? Oui. Bon bah ça y est, Cristal est arrivé là. Attends, parce que Cristal est arrivé, Jean-François là. Putain. Oui, Jean-François. Ouais, bah Jean-François, tu n'as pas honte? J'ai honte. Mais j'espère bien. Demande-moi pardon. Pardon. Pardon qui? Pardon maîtresse. Non, pardon Cristal. Pardon Cristal. Tu as cru que j'étais quoi, une pute SM? Et ça te fait rire? Oui. Oui, ça te fait rire? T'es jalouse, hein? Mais oui, je suis jalouse! Y'a que pour moi que tu peux dire Jean-François! Mais je t'ai pas eu d'une semaine, et tu m'as manqué! Eh ben, c'est pas une raison pour aller voir ailleurs! T'appelais Mickaël et il se rappelait! Bon, dis-moi Jean-François! Oui? Dis-moi Jean-François pour t'excuser! Dépêche-toi! Jean-François! Voilà! Encore! Continue! Après je veux pas à Myriam, après je te parlerai. Ah, il veut d'abord parler à Marine. C'est qui Myriam? Non, c'est à Marine. Bon, Cristal, attends, reste deux secondes là, non, je te repasse Polo en antenne. Moi, tu choisis. Non, je te repasse Polo en antenne. En antenne, on va parler. Attends. Bon, alors, Jean-François, Marine, elle est là. Marine? Oui. C'est un charmant de voix. Merci, c'est gentil. C'est très douce voix, très sensuelle. Merci. Moi, je m'appelle Jean-François. Non. Enchanté, tu me l'as déjà dit. Je 1965, je vais avoir 49 ans, 9 juin. D'accord. Et sinon, quand c'est que tu m'invites chez toi? Parce que tu m'as proposé ça tout à l'heure et j'attends toujours. Tu peux venir comme tu veux, mais j'habite à Ardèche. Elle aussi, elle habite pas loin. Annonay, exactement. Voilà, bah pareil, bah elle aussi. Hein. Elle est Annonay. Elle habite à droite, elle. Exactement, ouais. Jean-François? Oui. Tu m'as l'air un peu perturbé ce soir, Jean-François. Enfin, plus que d'habitude, je veux dire. Non, je vais pas. Parfait. Mais je suis d'accord avec toi. Bon, Jean-François, reste à deux secondes. Il y a Florian également qui était là. Hein. Bon, bah Marine, je pense que Jean-François ne sera pas le bon. Non, mais non. C'est dommage. Pourtant, j'avais vraiment. D'être un mec bien. Ouais, vraiment, j'avais misé beaucoup sur cette union là et. Ah ouais. Bon bah écoute, c'est un échec, ça peut arriver à tout le monde. Ah, surtout qu'il habite vraiment pas loin de chez moi en fait. Mais ouais, oui, bah non, c'est dans l'Ardèche. Oui, et moi je suis de Montélimar. Bah non, t'es à Metz. Oui, mais là je suis à Montélimar, donc. Ah bah vas-y. Vas-y, fonce, on se retient pas. Mais ouais, attends, on sait jamais sur un malentendu, Marine. Si ça se trouve, c'est un beau gosse blindé. Eh, t'as vu, on sait jamais. Bon, Florian est avec nous, 20 ans de Saint-Etienne, là. Comment va le Stéphanois? Ça va, fatigué, cause d'un problème de santé, mais ça va. Ah, d'accord, ok, c'est pour ça. Bon, bah écoute, ouais. Florian, t'avais appelé pour parler à Marine, toi? Ouais, c'est ça, ouais, elle m'intéresse vraiment. Franchement. Non, je déconne. Non, parce que voilà, moi aussi, ça va faire 3 ans que je suis tennis, donc depuis mes 18 ans. Bah, comment ça se fait? Bah j'ai pas trouvé la perle rare hein. Eh oui mais à 20 ans, mais on s'en branle, cherchez pas la perle rare à 20 ans. Mais oui. Mais attends gros, écoute, j'ai envie de me caser moi, attends, j'ai envie d'une vraie relation. Mais attends gros, ouais. Mais non, mais 20 ans quand même. Bah ouais, alors attends, bah, je vous lis ça, alors attendez. J'ai jamais été un coureur de jupons. J'ai jamais eu 150 meufs à gauche, à droite. D'ailleurs j'ai jamais trompé aucune meuf que j'ai eue. Mais tu aurais dû. Non, bah non. Mais à un moment, à 20 ans, je peux te dire, même si ça ne fait que 2 ans, je peux te dire qu'à 20 ans, si tu te casses directement à 20 ans, il y a un moment tu vas avoir envie d'aller voir ailleurs, voir ce qui se passe. Perso, je te dis franchement, non. Moi, non, mais tu me dis ça aujourd'hui, mais moi je peux te dire que tu le diras à l'inverse plus tard, mais je veux dire, c'est juste que aujourd'hui t'as eu combien de meufs? J'en ai eu. Je sais pas, j'en ai eu tellement que ça passe. Bon, duré, genre, quoi. Il se la ramène. Non, je déconne pas. Non, je te jure. Franchement, soit c'était des coups de cul. C'était ouais. des trucs de cul vite fait, et puis ouais. Sinon, bah, j'ai jamais eu de relation sérieuse, quoi. D'accord, donc tu veux pas spécialement une relation long terme, tu veux juste une relation sérieuse, un truc où tu essayes et puis tu verras. Ouais, ou sinon une vraie relation, quoi. Comme, oui, non, mais une vraie relation, mais sans te dire je vais me marier avec, tout ça. Oui, voilà, c'est d'accord. Ça. D'accord, ok, bah là, d'accord, là, on se comprend. Moi, je pensais que tu voulais acheter une maison, acheter le monospace, chien, avoir des gosses dans 2 jours. J'ai mon appart sur Saint-Thé, tu vois, je suis nourri logé, j'ai mon appartement, quoi. D'accord, ok, nourri logé, c'est-à-dire, c'est un concept qui m'intéresse. Pourquoi? Ben, comment dire, je suis à l'UJM, c'est un truc où les jeunes comme moi qui sont en école, ouais, qui sont partis de leur famille d'accueil, ben ils ont ça. Ah oui, d'accord. Toi aussi, hein, lui, quand il habite chez sa Rome, voilà. Il est logé, nourri, blanchi, engueulé. Bah, ouais, c'est vrai. Voilà, tout est fait. Moi, je suis libre, tu vois. Ouais. Bah, ouais. Bah écoute, ouais, mais ça a certains avantages de se faire engueuler. Il va laver les vêtements chez maman, hop là, il y va le moi, week-end. Je vais te dire, je suis un mec où je fais ma lessive, je fais mon lavage, mon repassage, la bouffe. Mais c'est bien. Et c'est tout en temps. Qu'est-ce qu'il y a, Marine? Il y a certaines mains, c'est ce qu'elles recherchent. Ouais, est-ce que tu sais coudre? Parce que moi, je sais coudre. Oui, j'ai appris à coudre. Ah, moi, je sais pas. Moi, je fais le ménage, je fais laver la vaisselle, je remplis de la vaisselle, je vide la vaisselle, je fais ce que tu veux, le linge et tout. Mais... La mode flemmard. Bah non, mais attends, j'ai la vaisselle, je vais pas tout mettre à côté, je vais pas le faire à la main alors que tout est là. Ah, il prend un plat, il le met dans le micro. Mais en revanche, ce que je déteste, c'est quand la cuisine, c'est le bordel, tu veux. Ouais. Si on invite des potes à manger, tout ça, bah je vais commencer à tout nettoyer après parce que ça va m'énerver que tout reste. Oui, si, ça va m'énerver. Le temps de travail est dégueulasse, quoi. Ouais, voilà, que tout reste dégueulasse, quoi, exactement. J'invite jamais Toff à faire la cuisine parce qu'à chaque fois c'est une branle-bas de combat. T'as l'impression que c'est la guerre 40-45. Mais c'est ça la cuisine, c'est ça la vraie cuisine. C'est pas des plats que tu réchauffes au micro-ondes. Mais sinon je te parle pas ça. Tu peux faire de la vraie cuisine sans pour autant en foutre jusque dans le salon. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon alors attends Florian, reste avec nous. Il y a Baptiste également de Marseille là. Salut Baptiste. Salut Marseille. Comment va la planète au Mars? Oui. Eh ben elle va bien, bah tant mieux. Bon Baptiste, t'as appelé pour Marine toi? Exactement, c'est ça, parce qu'elle m'intéresse. Bah j'imagine, hein. Comme beaucoup, j'imagine aussi, hein. Exactement, pour la rencontrer, éventuellement, il y aurait possibilité, hein. Bah écoute, je sais pas, je te la passe, là, Marine. C'est Florian Marine, non ? Salut, comment tu vas ? Ça va et toi ? Je serai bien, merci. Je suis ravi de faire ta connaissance. Moi aussi, mais t'as quel âge ? On dirait un doux. J'ai 24 ans et je suis de Marseille. D'accord. Ouh, c'est un doux qui se camoufle, ça. Ça, c'est sûr. T'es sûr que t'as 24 ans, toi? C'est un doux masqué. C'est pour ça que j'ai demandé. Oui, oui, j'ai 24 ans. Non, non, t'es, non. T'es né en quelle année, Baptiste? Je suis né en 1990. Ah ouais, non, non, c'est bon, ok, ouais. 24 ans, 90. Et ok, d'accord. Et alors, et donc, bah voilà, bah Marine, c'est bon. Hein, donc, il a effectivement pas encore mué, mais ça va peut-être donc, venir. Mais il y aurait possibilité, si elle est ok, hein, pour s'échanger les numéros portables et éventuellement se rencontrer. Ouais, mais je pense que Marine. Je pense que Marine, elle aime bien les grosses voix. Les hommes un peu, ouais, déjà, un peu mûrs, quoi. Tu vois. Il a la même voix que mon neveu de 4 ans, donc non, ça ira. Il a la même voix que mon neveu de 4 ans, t'as dit? La violence. Ah là, là, c'est gratuit, Marine. Non, c'est pas gratuit. C'est, moi, je suis sincère. C'est vrai. Je vois pas pourquoi je le mentirais. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Marine? Qu'est-ce qu'on fait avec Baptiste? On le dégage ou pas, Marine? Oui. Next. Bon, et bah, Baptiste. Oh, genre, next. Next. Ouais, c'est ça, tiens. Baptiste, je te renvoie chez Sandro au standard, Baptiste. Merci. Bon, bah, qui m'est bien laissé quand même. Salut, Baptiste. Ouais, Baptiste. Sinon, si jamais tu peux faire passer, hein, je suis célibataire, j'ai 24 ans, je suis de Marseille. Très bien, c'est voilà. Pas mieux de la voix. Et... Oh Marine. Bon, bah, le message je est... je la kiffe. Le message est passé. Bah, attends, Florian, tonton arrive. Le message est passé, Baptiste. Passe une bonne soirée à l'écoute de Fun, à bientôt à Marseille. Ciao, merci, salut. Merci. Ciao. Bon, Marine, qu'est-ce qu'on fait de Florian? C'est lequel, Florian? Florian, celui qui fait le ménage. Ouais, c'est un lui qui fait le ménage. Il a quel âge, lui? Il a 20 ans. J'ai 20 ans. Ouais. Ah, si, je suis de 94. Je te dis, je suis de 29 janvier 94, j'ai 20 ans. Okay, j'ai 20 ans, plus 3 ans. Voilà. Donc, et alors, Marine, qu'est-ce qu'on fait? Next ou tu gardes? Je sais pas. Bah, si tu alors, gardes, ça veut pas dire que. Regretteras. Non, mais c'est ça veut pas dire qu'on peut pas en trouver un autre, hein. C'est juste que tu le gardes dans le panier. Tu le remets pas dans le rayon, quoi. Moi, je lâche mon hume, y a pas de soucis. Si elle mon hume. On a bien compris que t'étais en chien, Florian. Mais. C'est comme dans Next. C'est pour mais ça, c'est, en fait. C'est il a dit qu'il avait plein de relations de cul et pas une relation sérieuse. Bah, en fait, c'est pas des relations de cul, c'était juste un coup d'un soir, mais ça a pas duré. Ouais, bah, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est des relations de cul, Florian. C'est ça. Ouais, mais non, mais c'est pas une relation de cul pour moi, c'est juste pas de cul vraiment parlé, c'est juste un bisou comme ça, c'est tout. Pour moi, c'est pas des relations de cucu, quoi. Je veux dire, c'était juste des relations de 2-3 jours et puis c'est bon, il y avait rien. Bon, Marine. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On next. Bonjour. Next. Comme... Allez, tu repars avec tes 7 euros, Florian. De quoi? Non, je dis, tu repars avec tes 7 euros, Florian. Eh ouais. Florian. Moi, je m'en fous. What? Bonne nuit. Bah, y'a pas de soucis, y'a vraiment moyen d'avoir un pack fun, s'il te plaît. Tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Ça... Bah, du coup, Marine, attends, je veux dire, bah, bon courage au cas où pour le futur amour. On sait jamais, ouais. Merci. Ouais, salut, Flo. Ouais, pas de soucis, les gars. Allez, ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, on perd pas espoir, Marine. Si vous êtes un mec, vous êtes intéressé par Marine, là, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tu restes avec nous, Marine? Pas de soucis. Bon, il y aura le canular aussi dans quelques minutes. On sera avec Priscilla. Et vous toutes et vous tous, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h. Bienvenue tout le monde. Come over here and perform for me. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et appelez-nous encore, hein, si vous voulez faire le canular, on va le faire aussi ce soir, évidemment, avec des téléphones portables à gagner. Enfin, un téléphone portable, hein, c'est l'Arcos 45 Platinum avec Android à l'intérieur. Et vous allez pouvoir le gagner si vous êtes drôle. Et si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour la semaine prochaine et ainsi de suite, évidemment. Y'a Megumi sur le Twitter qui dit: je vais finir vieille fille avec 15 chats et des photos de mon seul véritable prince charmant, Mickaël. Oh, c'est gentil, oh, Megumi. C'est mignon. Quentin également qui dit: pouah, les dragueurs à deux balles. Bah, c'est une question. Ah, il faut voir, ça dépend. Parfois, le côté naturel est intéressant. Ça dépend, il faut voir. Bon, Marine, pour l'instant, on n'a pas trouvé chaussures à ton pied, mais je ne désespère pas. Oh, ça finira ouais, par arriver. Parce que j'ai déjà ma petite idée de qui je veux. Et... Ah, bah, allez, bah, qui tu veux? Toi, Mickaël. Un mélange de toi et de JB. Bah, alors, moi, vous je comprends, mais JB. Bah, c'est pour les blagues. Non, ouais, mais les blagues, les femmes. Les blagues de merde et tout, là. C'est le côté ouais, féminé de JB. Non, l'humour comme ça, décalé. L'humour, mais c'est pas drôle, décalé, c'est de l'humour de merde. Mais oui, ben oui, mais justement, il et tu sais que Katy Perry, elle a péri. C'est une naze. C'est ça, en fait. Non, mais surtout, Marine. dis-toi bien que est-ce que JB est homosexuel sur non, non, non, parce que c'est là il est vénère. Non, non, ouais. Pas du tout. Est-ce que tu es prête à endurer Magic System à longueur de journée? C'est ça. Oui, c'est... non, mais ça c'est pas un souci. Ah, ah bah d'accord. Alors d'accord. Bah alors d'accord. Okay. Ah, d'accord, on appelle JB. Voilà, alors très bien. Alors pas de problème. Marine, dis-moi un truc. Est-ce que tu peux envoyer une photo à polo@funradio.fr afin de poil. P-O-L-O. Non, non. Est-ce que tu peux envoyer une photo à poil? Non, à polo@funradio.fr. Non, mais pour qu'on voit à quoi tu ressembles. Non, c'est professionnel. Ah oui, oui, bien sûr. Je suis marié. D'ailleurs, en parlant de ça, tu nous as pas ce boob une photo que tu devais nous montrer Ah oui, c'est vrai, tu nous as pas donné une photo là. Il y a une auditrice qui devait en envoyer hier ou avant-hier là. Elle l'a pas envoyé. Promis. Le militaire. Ouais. Elle m'a rien envoyé. D'ailleurs, si elle nous écoute, qu'elle envoie parce que j'attends que ça. Il attend que ça. Oui, c'est ça, il attend que ça. Ouais. Bon, Marine, reste avec nous. On aura Marc dans quelques minutes qui veut également te courtiser. Oh, c'est beau. D'accord. N'est-il pas? Et puis on aura. Bah alors, Jean-François, on va le récupérer puisqu'il y a toujours Cristal au standard qui est toujours énervé, évidemment. Hein, ça, forcément, c'est sûr. Il y aura Marc aussi dans quelques instants. On a également Adrien. Salut Adrien, d'Écrinville dans le 76. Oui. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Bah oui, plutôt pas mal. Tranquille, on est bien là. T'as prévenu tes potes que tu passais ce soir à la radio, Adrien? Oui, bon, très bien. T'es dans quel bahut, toi? Collège Rancœur, j'étais déjà passé la dernière fois. Je n'ai rien compris. C'est normal, c'est un doux. Collège quoi? Dans le collège Raymond Culin. Ah, Raymond Culin, oui, je me souviens maintenant. Bon, bah très bien, bon, on embrasse tout le monde. Comment il s'appelle Raymond Culin? Raymond Culin, oui. Bah, s'il encule l'un, il encule l'autre. Et à côté, il y a Raymond Cul 2. Mais c'est quoi ce lycée? C'est un collège. Un collège de quoi? Voilà. C'est un collège d'enculé. Mais non, c'est un collège, Raymond Cul. Hein, tu voilà. Es hindou. Voilà. Bon, alors Adrien, toi, tu voulais réagir par rapport au prof en rapport à ce que j'avais dit en début d'émission. Donc, c'est un prof qui arrivait pas à se faire respecter dans sa classe. Du coup, il avait dit si jamais les élèves se taisent pas, il raconte la fin de Games of Thrones. Et il l'a fait. Résultat, tout le monde s'est tu. Et qu'est-ce qui s'est passé chez toi, dis-moi? En fait, c'est un sport. En fait, on s'assoit tous par terre et on nous explique ce qu'on va faire. Ouais. Il y en a qui se taisent pas. Du coup, il y a des feutres, tu sais, pour les tableaux, là. Mm-hmm. Et elle l'envoie dans la gueule du mec. Ah oui. Et tout le monde se ferme la gueule, et puis du coup, voilà. Ah, bah, il ferme sa gueule. Elle est un peu violente, hein. Ouais, un peu. Un petit peu, juste un petit peu, juste de quoi faire. Juste de quoi foutre la merde, bah très bien. Bon, appelez-nous les autres si vous avez encore d'autres anecdotes. J'ai beau chercher, moi, il m'est jamais rien arrivé de spécial avec un prof. J'ai réfléchi, hein, mais... Moi, je vous ai raconté la fameuse histoire de la patate, où j'ai shooté dans une patate, je l'ai envoyé en pleine gueule. Ah oui, oui, il oui. Il en oui. avait partout, quand ça dit c'est qui et tout. En fait, je m'embrouillais avec un type, et en fait, il nous a collé. Il nous a collé pendant une semaine ou deux. Ah, quand et, même. Ah ouais, et puis une fois aussi, pareil, je sais pas pourquoi, enfin, je me souviens plus, j'ai été collé toute une année. C'est-à-dire que c'est tous les jours, de 16h à 18h. Allez, regardez aujourd'hui où il a terminé. J'étais en heure de colle. Tu m'étonnes. Putain, ça passe à toute l'année. Ah ouais, elle avait décidé, je sais plus pourquoi, parce que j'avais dû faire des conneries, parce que j'étais un professionnel de la connerie, hein, déjà petit. Et ouais, toute l'année, j'étais en heure de colle. J'essaie de retrouver le carnet de correspondance où il y avait toute la liste comme ça. Demain, bah. Moi, j'en ai fait voir pas mal à mes profs, mais je me souviens pas qu'il y a un prof qui nous a fait un truc, enfin, qui m'a fait un truc en particulier, non. Ah, moi, c'est la prof de chimie, je lui cassais tellement les couilles qu'elle voulait plus me voir. Ah oui, ça aussi. Elle lui a balancé une fiole d'acide, c'est pour ça qu'il a cette gueule. Mais, c'est pas pour loin. Ça qu'il y a la photo selfie, comment on appelait ça encore, selfie, merde. Non, c'est Lofi. C'est Lofi, exactement, on l'a fait tout à l'heure avec du scotch sur la gueule. Donc facebook.com/mikaelofficiel, allez voir. Et donc moi, ouais, elle me disait, ouais, non, mais vas-y, tu peux y aller. Comment ça, je peux y aller? Ouais, c'est bon, aujourd'hui, le cours, c'est pas intéressant, vas-y, casse-toi. Ouais, c'est ça. C'est et, donc, elle me mettait dehors, je rentrais chez moi. Enfin, ce sera certainement plus intéressant si t'es pas dedans, quoi. Ben, c'est ça. Voilà, c'est les autres qui arriveront plus facilement à suivre. Et c'était un peu ça. Voyons le côté positif des choses. Bon, Adrien, bah, merci à toi d'avoir appelé, tu nous rappelles quand tu veux. Et aussi, en fait. C'était l'année dernière en maths, en cinquième. C'est un prof vraiment dingue. Il y avait un élève, il a tellement fait rager le prof que le prof, il a pris trois cahiers dans sa main, il l'a tapé trois fois sur la tête. Quoi? Mais il est ouf. Mais oui, c'est un gros malade, il traite et tout de... Oh là, c'est un malade. Et c'est un prof de quoi, lui? Un prof de maths. Ah oui, mais enfin, c'est mathématique. Non, mais ça va, il est excusé. C'est des gros cons, les profs de maths. Non, mais ils ont tellement de trucs dans la tête que si tu veux, il y a un moment... Moi, j'avais un prof de maths, c'était un nain. Donc mais vraiment véridique, un vrai nain. Et donc personne de petite taille. Et un vrai nain. Après il y a Mimimati qui m'a gueulé. Non mais je veux dire, je dis pas un nain parce qu'il était petit, c'était vraiment un nain quoi. D'ailleurs, il y a Mimimati qui a mis un tweet à moi en favori. Alors Mimi, écoute, t'es gentil, mais on ne se connaît pas. Hein, donc j'ai une image à tenir. Et donc mais vraiment taille Mimimati. Et donc le mec en fait ce qu'il faisait c'est qu'il ouvrait il avait une espèce de mallette. Et donc il ouvrait la mallette sur son bureau. Et sauf qu'en fait, quand il parlait, bah du coup, on voyait plus ses bras qui passaient, qui débordaient de la mallette. Et il était content. Ah ouais, on était, mais ça nous faisait le cours. N'importe quoi, n'importe quoi. Bon, salut Adrien, merci à toi d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Ok. Salut Adrien, salut. À bientôt. Et salut au collège Raymond Culin. Mais c'est pas Cumin plutôt? Cumin. Non, c'est que nous. C'est quoi? C'est que nous. Oh, Raymond Queneau. Ah bah oui, bah oui, Queneau. Attends, mais 15 fois on dit Cumin, parce que j'avais compris ça, toi tu nous rattrapes pas, toi. Ah, le doux, tu m'as déçu là. Ah, bah, bravo. Ah, mais moi, je crois que vous avez compris aussi. Mais non, bah non, Adrien, on est con, nous, qu'est-ce que tu crois? Il faut... Ah bah oui, Raymond Queneau, okay. Oui, forcément, lui, on le connaît. Ah bah oui, c'est différent. Bon bah, alors salut Adrien quand même. Hein. Ouais, salut. Salut à toi. Bah, continue comme ça. Bah, c'est gentil, Adrien. À bientôt, et on embrasse tout le monde chez Raymond, alors, comme ça, c'est plus facile. Marc, dans quelques minutes, on aura Jean-François le retour. Liam également avec la colle, bien entendu. Et Marine, c'est quoi ton émission de télé préférée? Si tu en as une, du moins. Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, d'accord, ok, très bien. Ah non non, je pose la question parce que tu sais bien qu'on aime bien parler de télé, de surtout les émissions un peu particulières le soir. Et là, par exemple, si vous ne comprenez pas le latin, ben vous pouvez faire comme Julien Courbet et faire la traduction qui vous arrange. Oui d'ailleurs Julien, je m'excuse, je vais être écrasé dans le parking tout à l'heure, hein, je suis désolé. Ouais. Désolé Julien. Courbet. Désolé Julien, hein, je suis confus. C'est Polo qui roulait, c'est pas moi. Mais après, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, car nul n'est censé. Non, c'est nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Ah, Nemo auditur propriam, turpitudines allegans. Je sais ce qu'elle veut dire, celui-là. Voilà. Ça veut dire passe ce soir à la maison, mon mari n'est pas là, mais ça, on ne peut pas. Ouais, en fait, il fait les traductions comme Toff. Ouais. Voilà, il traduit de la même manière. Et puis comme dans ça, Motus. Nous arrange. Ouais, il y a dans Motus également, il y avait les frères de Toff. Tripoté, TRIPOTES. Un S encore, hein. Ils sont plusieurs toujours. Hein. Ouais. Turlute, TURLUDTE. Elle est tout seule là. Oui, il n'y en a qu'une Turlute évidemment. Et puis, est-ce que vous connaissez Nia Hall? En fait, nous non plus. Hein. Enfin, non. Moi non plus en tout cas, je sais pas si. C'est pas Hall? Nia Hall? Nia Hall, ouais, bon, peu importe, de toute façon, je la connais pas donc. Bah vous, ouais. toi oui, visiblement. Ouais, mais je crois que j'ai déjà vu une vidéo d'elle, ouais. D'accord, bah, elle était dans le mag hier soir pour taper l'affiche. Hein. Quand même que je vous montre qui je suis. Et Alors, c'est une bonne question parce qu'on va vous dire la vérité. En préparant l'émission, on met ce qu'on appelle des synthés. Mmh. C'est-à-dire que quand vous êtes devant chez vous, vous voyez le nom de la personne et puis en dessous, on met acteur, chanteur, ce que vous voulez. On est Mignia Hall, chanteuse. Et elle me dit, pourquoi vous avez mis chanteuse? J'ai dit, bah, t'es pas chanteuse? Bah, non. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Elle m'a dit, je sais pas. Alors, je te pose la question. Nia Hall, tu veux faire quoi? Tu es quoi? Mais je t'ai dit ce qu'on devait mettre. Oui, tu voulais marquer unique. Voilà. Voilà. Nous, on voulait marquer. Nous, on voulait marquer Pôle emploi, t'as voulu marquer unique. Ouais, c'est ça. Et Pôle emploi unique, ça se rapproche, note. Hein. Ouais. Ça se rapproche un peu. Ah oui, c'est la fameuse mini Nabila. Voilà, ouais, c'est ça. Une espèce de meuf qui a jamais rien fait, qui veut juste être célèbre. Exactement. Bon, Marine, reste avec nous. Il y a Johan aussi, tiens, vite fait, là, qui voulait réagir par rapport au prof. Salut, Johan. Salut, Mickaël, salut, l'équipe, ça va? Ça va bien. Ah, mais toi, t'es prof? Non. Ah, d'accord, ok. Cette bêtise. Moi j'avais un lycée technique, j'avais une prof de musique elle est complètement perchée. Ouais. On arrivait à chaque fois on foutait le bordel et tout, on balançait les sacs sur les tables et en plus elle était au deuxième étage, c'était un bordel pas possible. D'accord. On avait une musique et tout, elle pétait un câble à chaque fois. Et une fois, on sait pas pourquoi, on est arrivé, on a mis un petit peu moins de bordel que d'habitude ou je sais pas. Et on s'est dit, mais si vous êtes sage à la fin du cours, je mettrai tous un 20. Et tu vois, ça nous a pas calmé, on a fait autant de bordel que d'habitude. Et à la fin du cours, on a une autre 20. Sympa la prof. Ouais. Alors ouais, si elle avait dit je vous montrerai mes seins, peut-être que ça serait mieux passé. Ah non, elle était moche ta prof. Ah elle était moche. Ouais, mais bon, tu sais, à un moment quand t'as la dalle, t'as la dalle. Hein. Ah ouais, non, mais non, faut quand même pas abuser. Non, c'est vrai, il faut pas abuser, mais quand t'as la dalle quand même, hein, je te le dis, ouais, hein, Johan. Ouais, et toi, c'est de quoi je parle? Ah bah ouais, moi ma prof de maths, je l'aurais démonté. Hein. Directement comme ça sur le mais grave. Dans le tableau, sur le bureau, partout. Ah, grave, je n'aurais rien eu à foutre. Oh là là. Alors qu'aujourd'hui, elle est peut-être moche. Non, elle est daronne, elle a deux enfants, elle est mariée. Bah comme ton ex quoi. Ouais, c'est pareil. Ouais, je pourrais savoir. Le même prof aussi, il avait des traces blanches suspectes au coin des lèvres ou au côté du nez quoi. L'impression qu'il se foutait le bord. Ça aussi, il y en a plein comme ça. Ouais, il y en a plein. J'en avais un moi aussi qui sentait, mec, mais d'une violence, c'était horrible. Mais une odeur. Mais une odeur de trans, quoi. Mais tu sais, dès le matin, c'était chaud. Ouais. Moi, c'était un prof de matin. Le persil aussi, t'as jamais eu? De quoi? Non, j'avais une prof de dessin, véridique, je te jure, tout ce que tu racontes, c'est vrai. On rentrait, ça sentait le persil. Le persil? Voilà. Ah, c'est un parfum original. Une fois, je suis rentré en cours. C'est con, j'avais des potes, hein, j'avais une heure de perme entre une preuve de dessin. Ouais. J'avais une heure de perme entre, et on est allé chez un pote, et ce con il m'a fait boire. Mais boire de la bonne vinasse, c'est bien rouge, le truc bien lourd, voilà. D'accord. On est rentré à cours, il m'a vu un peu chaud, il m'a dit tu te mets au fond du cours, tu parles pas. D'accord. Ouais, t'inquiète, Moi, je vais voir la prof. Bonjour, madame, ça va? Ouais, vous avez bu et tout. Je vais dire, au docteur et tout. Ce con, elle n'a jamais rien dit. Bah, t'as eu de la chance. Ouais, c'est clair. Ah ouais, parce que t'étais mort, quoi. T'étais mort, père, mort sous, non? Oui, bien sûr. Ah bah bravo Johan, et bah félicitations Johan hein. Ah bah écoute, tout ce que tu mérites. On occupe notre corps de permanence comme on peut. Bah oui, t'as bien raison. Et même un coup de pelle. Bon bah merci Johan d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux Johan. Ciao. Salut à toi, à bientôt Jean, ciao. Il y aura Morgan dans quelques minutes également, il y aura Laurent, il y aura Marc, il y aura Jean-François, il y aura Liam, il y aura un autre Marc qui voulait réagir lui par rapport à Marine. Marc, t'es chaud comme la braise sur Marine? Allô? Oui, salut Marc, ça va? Ça va et toi? Ouais, salut l'équipe, c'est fun. Bah, non, salut Marc. J'avais une anecdote aussi sur les profs, mais sinon... Tu vas nous raconter ça dans quelques minutes, Marc, d'accord? Ok, ça marche. Très bien, et puis bouge pas de là, Marine, ne bouge pas de là non plus, on aura le canular dans quelques minutes, ce sera avec... Priscilla et nous. Bah oui, et puis on va s'écouter maintenant au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio, le son des Daft Punk et Instant Crush. Il y a un message qui dit: je suis de Maltaverne pour Marine à 5 minutes de Montélimar, j'ai 22 ans, je m'appelle Daniel. Et bah appelle-nous Daniel, 01 42 48 5000, on va te prendre dans quelques minutes sur Fun Radio. Les Daft Punk, c'est Instant Crush, bienvenue. Jusqu'au bout, le son des Daft Punk à l'instant, c'était Instant Crush, et puis restez là également. Ah oui, il y aura DJ Cassidy qui va débarquer. Ça va être bon ça. En mode funk. C'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun Radio. La bienvenue tout le monde, si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exact, avec des messages qui sont arrivés, il y en a beaucoup. Johan, depuis l'application Mickaël No Limit, j'étais comme Toff, la prof d'allemand m'a refusé de son cours pendant 2 ans et un prof de maths m'a envoyé les flics car je lui ai dit d'aller... T'as quoi? Je lui ai dit, je vais bien te croiser dehors. Ah oui, bah forcément, il a eu peur. Avec mon prof de sport en bac pro, on allait au bar vers le midi. Ah, ça passe, ça. Et santé tout le monde. Simon qui dit Toff est plus mignon avec du scotch. Ouais, vous avez remarqué aussi, vous. Elliot également, j'avais un prof, il avait jeté des classeurs d'un élève par la fenêtre, ou encore Benji. Moi, en techno au collège, je me suis pris la brosse pour essuyer le tableau dans la gueule parce que je parlais, ça fait mal, mort de rire. Ah ouais, putain, mais c'est super lourd en plus, ça fait un mal de chien. Il y a Gino qui dit complètement nul, vos dragueurs. Et bah, c'est pas les nôtres en même temps. Hein. Et Extra Gros Max qui dit j'ai déjà explosé une balle de tennis en pleine gueule de ma prof. Sympa, les pauvres profs, ils prennent cher quand même. Et Jeanne François sur le Twitter, arrêtez de criser à cause de votre célibat, souvenez-vous qu'il vaut mieux être seul qu'être accompagné de Toff. Même avec le scotch. Et en parlant de balle, la prof de sport, j'ai failli transpercer la tête de ma prof de sport avec un javelot. Oh là là. Avec un javelot. Javelot, oui, on faisait du javelot. Avec du javelot quoi. En fait, j'ai pris le javelot comme ça et je parlais avec un mec. Hein, le ouf. Ouais. Ah oui. Je parlais avec un mec comme ça et en fait, j'avais oublié que j'avais un peu trop de force. Et en fait, c'est super léger. J'ai pris le javelot et elle était en train de parler comme ça. J'ai fait. Et là, elle a fait « Mais il est malade !» Et après, tu t'étonnes que tu passais ta vie en retenue. Elle a coulé, j'espère. Bah oui, bah non, il peut pas, il était déjà collé, tu vois. On peut pas le tuer deux fois, hein, Un an au trou. Ah, j'étais beau. Ah oui, bah ça, j'en doute pas. Ouais. Bon, retour avec tout le monde dans un instant. Marine, il y aura Marc, il y aura Morgan, il y aura Jean-Mi, il y aura Laurent, il y aura un autre Marc, il y aura Jean-François, il y aura Liam. Bref, le standard est full. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même nous appeler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis là, on va se faire le canular comme chaque jeudi. C'est avec Priscilla qui est avec nous. Salut Priscilla. Bonjour. Comment ça va? Salut. Eh ben ça va. Bon, tant mieux. C'était quoi cette voix de merde, Toff? Je sais pas, c'est parce qu'en fait j'avais un truc coincé dans la gorge et du coup une bite peut-être. Et non. Non, d'accord, ok, bon, je voulais savoir. Bon Priscilla, alors t'appelles pour le canular toi de ce soir, comme d'habitude. Exactement. Et quel va être le thème du canular? On va piéger qui? On va faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Michel est impatient de savoir. Alors on va piéger mon meilleur ami Brian. Ouais. Donc que je connais depuis 7 ans. D'accord. Qui est gay et qui n'a pas oublié son ex depuis un mois. Bon, eh ben écoute, on va l'appeler. Alors est-ce qu'il est folle ou il est gay normal? Non, il est gay normal. Et d'accord, et il n'aime pas les folles. J'imagine. Il n'aime pas les folles du tout. Ah parfait, Jean-Claude. Oui mon loulou. Je pense qu'il va y avoir un petit peu. Exceptionnellement, je pense que Michel va être en congé ce soir. Ah bah oh. Tant mieux, j'adore ça. Ouais bah j'imagine. Ah je me sens tout chaud. Bon à la limite, dis-lui que. Donc c'est quoi l'histoire? Tu voulais lui faire croire quoi en fait? Donc je voulais lui faire croire que j'avais couché avec son ex du coup. D'accord, ok. Et il est plutôt du style à s'énerver rapidement ton pote? Ah oui. D'accord. Bon, eh ben écoute, tant mieux. Alors on va y aller. Hein. Tu vas lui dire donc que tu t'es tapé son ex, il va s'énerver. Et là tu vas lui dire, écoute, je suis quand même pas une salope, t'inquiète pas, je connais quelqu'un et tout, il est célibataire aussi, je vais te le présenter, il s'appelle Jean-Claude, et puis voilà. D'accord. Et moi je serai le pote de Jean-Claude, Michel, qui sera là évidemment pour faire chier le monde et pour gueuler derrière. Bon, eh ben écoute, on y va, on l'appelle. Bah bonne chance, nous on n'est pas loin, hein, Priscilla. Hein. Super, bah merci. Ah bah écoute, je t'en prie. Allez, smartphone à gagner, donc c'est l'Arcos 45 Platinum avec Android à l'intérieur. On y va, bonne chance. Déjà ça sonne, c'est une bonne nouvelle. Ouais, allô. Ouais, Brian. Ouais. Ça va? Bah ouais, toi. Et quoi? Bah écoute, en fait, je t'appelle parce que, Ouh là là, qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Je sais pas, je le sens mal. J'ai un truc à t'avouer. Bah tu sais, Jimmy. Qui ça, Jimmy, mon ex? Oui. Quand t'étais avec, bah on a couché ensemble. T'es sérieuse? Ouais, mais ça arrivait que 3 ou 4 fois. Hein. Genre 3 ou 4 fois, tu te fous de ma gueule? Non, non, mais c'était... T'as couché avec mon ex, toi? Je préfère te l'avouer maintenant parce que voilà, ça me tenait à cœur. C'est bien, tu m'avoues en fait que t'as couché avec mon ex la veille de ton anniversaire. Bah, c'est à peu près ça, ouais. Ça s'est fait comme ça en plus, c'était chez toi, mais... J'ai du mal à gérer la chose. Bah, tu t'as sais couché quoi, mais plus, avec là, mon ex chez moi. Oui, mais on s'en fout, oh là là, dis-lui autre chose. Bah, tu peux dire à ta tata, voilà, là, fermer sa gueule, là. Bah, yep. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, en fait, je suis en soirée et j'ai un pote, en fait, qui voudrait te parler. Je veux parler à personne, limite je vais même plus te parler avec ta gueule, je veux pas te parler mais avec non, tes potes. Mais allez, non mais c'est bon. Non mais c'est pas attends, le problème. Passe-le-moi, passe-le-moi. Je... Oh là là. Allô mon minou. Ouais, allô. Ouais, déjà ça fait pas minou, déjà de une. Oh bah ça va, calme-toi, oh là là. Y'a pas de me calme, on se connaît tous, tu viens parler avec Juan. Bah on se connaît pas encore, mais il paraît que t'es bien membré. Je sais pas, ça te regarde strictement pas, mais c'est genre. Ah bah non, mais j'aimerais bien venir voir, hein. Eh bah tu viendras voir rien du tout, ouais. Ah bah comme, bah pourquoi? Bah parce que déjà l'autre elle vient de m'apprendre qu'elle a couché avec mon ex et en plus tu veux que je parle avec toi pour en bah oui mais c'est ton ça, ex, c'est ton... Attends c'est ton ex, on s'en fout, passe à autre chose non, mon minou. Je m'en fous, c'est pas le problème, c'est une question de respect, c'est quoi le délire? Ah bah moi, tu vois... Des ex, on va voir ce que ça va donner. Bah oh là là, moi j'ai pas d'ex hein, oh là là. Moi j'ai que des plans ça m'étonne cul. Pas, va, grande folle, va, ça m'étonne ah bah, pas. Ah c'est pour ça qu'on m'aime hein. Bon quand est-ce que tu viens de dévergonder la rondelle? J'ai rien du tout, t'as craqué toi. Oh bah arrête, on peut au moins aller prendre un verre, tu me mettras un doigt. Rien du tout, je vais pas boire un verre avec toi et te mettre un doigt, mais t'es sérieux pendant tes délires. Attends. En plus avec la voix de tapette que t'as, franchement, y a pas de risque que je tombe que j'ai envie de toi. Ah bah, ça... ah bah qu'est-ce que t'en sais d'abord, tu m'as pas vu dans ma petite combinaison en cuir. Je vais te faire une petite vidange, tu verras. Tu veux que je mette mon costume de garagiste? Non non non, je veux rien du tout, y a pas de vidange, j'ai rien du tout. Bon. Remplace-moi Priscilla là. Mais tu préfères quoi alors si t'aimes pas le garagiste? Rien du tout, je te dis, putain, faut te dire en français ou en allemand, c'est quoi le délire? Essaye en allemand pour voir, je suis sûr que ça peut m'exciter non, l'allemand. Vas-y, c'est bon. Tu pourrais m'insulter en allemand? Ouais, c'est pas, casse-toi. Allez, repasse-moi Priscilla. Bah oui, mais bon. Tu m'as pas dit en quoi tu voulais que je vienne. Je veux pas que tu viennes, je t'ai jamais rien demandé. Non mais je sais bien, mais ça tu dis ça parce que t'es encore énervé, t'es sous le choc. Ouais, je suis énervé de quoi? Vas-y, y'a rien d'être énervé. Mais non. Je dépose que dalle, tu vas faire ta gueule. Mais c'est mon ami Michel. Eh hey, Jean-Claude. Oui, bah, Michel. Hey, je te dépose, hein. Bah oui, dépose-moi. Eh bah c'est quoi son adresse? Ouais, j'aimerais bien voir ça, on va rigoler. Hey. Vas-y, viens en bas. Tu vas te prendre une dans la gueule, tu vas pas comprendre. Bon. Ça va être rapide. Eh, c'est quoi son adresse? Bah c'est pas, c'est quoi ton adresse, mon loulou? Rien du tout, que dalle. J'habite nulle part. Il habite nulle part. Bon, c'est pas grave, va demander à Priscilla, je te la repasse. Eh, mais ça me fait grande gueule, celle-là, où tu joues l'état. Tu préférerais que je la garde ouverte, tu sais, surtout si j'avais ton gros gland entre mes lèvres. Eh hey, mais je suis tombé sur un téléphone rose ou quoi? C'est quoi le délire? Ah non, attends, mais moi je suis pas un téléphone rose, hein, moi. Eh, Priscilla, vas-y, dis à tes potes d'arrêter de parler, là, ils ouvrent trop leur gueule, là. Non, mais ils sont beaux gosses. Je m'en bats les couilles, ferme ta gueule. Déjà, t'as couché avec mon ex, en plus, tu pourras mettre des tafioles à parler avec moi, t'es sérieux, mais toi? Mais non, mais Brian, mais je suis pas une tafiole, moi. Ferme ta gueule, ça va te péder, là, ferme ta gueule. Bah moi je suis une tafiole mais je le vis bien. Putain. Eh ouais je suis pas une tafiole. Dis à Michel de fermer sa gueule. Sinon je vais lui faire fermer autrement, il va pas comprendre. Mais non mais franchement il est beau gosse, Brian. Mais ta gueule Priscilla, toi je vais te tarter tes dents quand je vais te voir. De toute façon tu vas pas comprendre. Tu les ramènes ou pas? Tu te ramènes que dalle, tu fermes ta gueule, c'est quoi tes liens? Parle-lui de mon string à clous. Eh Jean-Claude il est chaud. Ah s'il est chaud. Mais sérieux, tu me ramènes des stéréotypes gays qu'il faut. Comme ça, t'as pas honte. Te refroidis pas mon minou. Mais non mais il est. Tu vois, il a une voix un peu folle, mais il est pas folle tant que ça. Hein. Ouais, il a une voix folle, il est pas folle du tout, bien sûr. Mais non, je suis pas folle, attends. Non, à peine, franchement à peine. En plus j'ai un petit chat dans la gorge, si tu me faisais une petite. Hein, tu vois ce que je veux dire, un petit gargarisme. Ouais, bah tu peux toujours te faire ton gagarisme tout seul. Hein. Attends, on m'a dit que ton jus de chêne, il était phénoménal. Alors moi, j'en veux, hein. Mais t'es sérieux? Bah oui, je suis sérieuse. En plus, il en donne beaucoup, apparemment. Ah, bah oui, je vais... Ferme ta gueule, Priscilien. Je vais t'avaler. Et d'ailleurs, quand tu t'as mon ex, après, tu me proposes des bouche-trous comme ça, là. Mais ouais, t'as craqué, mais c'est toi. Pour c'est, se faire pardonner, là. Hey, mais oui, là. T'as pas de quoi? Qu'est-ce que tu avec quelqu'un? Ferme ta gueule. Oh, mais non, bête. Mais je suis contente de te l'avoir dit. Franchement, je suis... Je suis contente de me l'avoir dit, mais viens même plus m'appeler. Franchement, viens même plus m'appeler. Viens pas parler avec toi. Mais non, mais réagis pas comme ça. Mais oui. Je vais te procher tous tes ex pour voir comment tu vas réagir, espèce de connasse. Ben commence par moi. Commence par moi, arrête. Je me tape pas les folles, moi, je me tape des mecs virils, pas des folles. Mais t'inquiète. Hey. Mais non, mais franchement, ça va, hein. Ils sont bien. Hey. Mais moi, Priscilla, ferme ta gueule, hein. Mais écoute, je mettrai mon costume de prisonnier, ça fera viril. Hey. Ouais, c'est ça. Hein. Madame Doubtfire, elle vient parler, là. Ah, mais tu connais Madame Doubtfire? Tu veux que je me déguise en Madame Doubtfire? Ça te dirait qu'on joue avec mon gros aspirateur? Non, garde ton aspirateur pour toi, j'en ai pas besoin, je m'en sors très bien. J'ai pas besoin de ça. Et encore, hein, t'as pas vu ce que je peux faire avec ma langue. Hein. Hey, Brian. Eh, mais je verrai rien du tout, hein, ça fait clair et net. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, la grande connasse, là, derrière? Moi, je suis pas une folle, hein. On dit que je ressemble à Sylvester Stallone. Par contre, je parle avec deux tapettes et une fiasse comme ça, en fait. Ça sert à quoi, je parle avec vous trois, là? Mais non, mais c'est pas grave. On dit que je ressemble à Van Damme. C'est moyen, quoi. Vas-y, ferme ta gueule, Priscilla. T'as vu le coup de ce que tu fais et tu viens parler avec moi? C'est vrai, franchement. En plus, il avait une petite bite, donc ça allait, tu vois. Jimmy, il avait une petite bite. Ah bah c'est nouveau ça. Moi pour qui t'en sers en général déjà, je me demande comment ça se fait qu'il a pu troncher. Franchement, il a du courage. Hein. Eh ben attends, mais tu vas voir la mienne, c'est un anaconda à côté. Mais je m'en bats les couilles de ta queue. Tu vas la... toi. Attends, je vais te la mettre dans le cul, tu vas la sentir dans les amygdales, mon loulou. Ah bah j'aimerais bien voir ça. Eh ben viens, je vais te montrer. Ça fait du bien un peu là. Mais oui, ça va te faire du bien, je vais te ramener. C'est vrai qu'il a l'air un peu coincé du cul, hein. Ah oui, il a l'air un peu coincé du cul, là. Je pense qu'un petit ramolage lui fera du bien. Bah, c'est clair, je me tape pas des folles comme vous, donc c'est clair, je suis coincé. Eh, je suis pas une folle. Eh, à peine. Mais je suis pas une folle. T'as fou un Priscilla, là. Je parle avec elle est là, Priscilla, on a mis le haut-parleur. On a mis le haut-parleur, on peut tous te parler. En plus, c'est le haut-parleur, tranquille, ça va, c'est la fête. Oh, il est con, il s'en est pas rendu compte depuis le début. Bah oui, c'est la fête. Allez, viens, on fait la fête. Bien sûr, allez, vas-y, casse-toi. On va faire la fête à ton cul. Hey, allez, Priscilla, viens même plus m'adresser la parole, c'est fini, si tu veux, je mets de la musique. Tu récupéreras toutes tes affaires à la maison, je vais plus voir ta gueule. Non, je vais plus voir ta gueule. Je m'en bats les couilles, je vais plus voir ta gueule. Tu comprends la phrase ou pas? Mais fais-tu avec. Eh, j'ai mis la chanson. T'as vu, casse-toi, c'est une musique de merde, là. Attends, c'est YMCA. Avec les mignons. Ah oui, tu veux pas que je me mette. Je viendrai en indien si tu veux. Casse-toi, toi, t'as rien demandé. Hein, tu veux que n'importe je vienne m'habiller quoi, en indien? Mais je veux que dalle, je veux parler avec Priscilla tranquillement, c'est possible ou pas? Bah oui, c'est possible, mais nous... Oui, mais je parle avec deux tapettes du marais, je parle avec Priscilla, point barre, que tu viens de casser les couilles, là. Hey. Sérieux? Ben enfin, calme-toi. Mais je suis très calme, là, tout va mais bien. Mais non, t'es pas calme. Oh ben Jean-Claude, viens, on va boire un petit verre, on va les laisser parler. Bon, ah oui, viens. Allez, va boire ton petit verre, là, va t'en filer un gosse tranquille et casse-moi pas les couilles, s'il te plaît. Ah, je peux en enfiler deux, tu sais. Eh bah tant mieux pour toi, c'est bien. Comme quoi? Oui, donc, mais non, mais franchement... Eh, mais Priscilla, sérieux, déjà, tu me remettais deux tafioles là en train de parler avec moi, mais t'as cru que c'était quoi? C'était téléphone rose sur mon téléphone ou quoi? Mais non, mais... Non, mais voilà, comme ça, ça me fait très bien, en plus, j'ai déjà fait mon ex, toi. Je crois que c'est une affaire qui roule. Ah bah oui, tu vas mais voir. Mais toi, ferme ta gueule, toi, derrière, c'est l'affaire qui roule, c'est toi qui vas rouler. Il a l'air d'être plutôt ouvert. Mais je le sens déjà ouais, au bout de ouvert, ma bite. Bien sûr, ma main dans ta gueule, tu vas voir comment elle est ouverte. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ma main dans ta gueule, tu vas voir comment tu vas te l'ouvrir, toi. Priscy, qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit qu'il est open là, il dit ah, franchement. Super. Mais ferme ta gueule, Priscilla, vas-y, c'est quoi ton délire ah en bah fait ça avec fait toi plaisir, là c'est quoi, hein. Ça y est, tu vieillis, ça y est, tu commences à casser les couilles des gens, c'est ça? Qu'il a... Mais non, tu prends un coup de jeu, il fallait que je te l'avoue. Il voilà, a besoin d'un coup de jeu. Fallait que tu m'avoues ça, franchement, fallait que tu m'avoues ça. Mais bah, franchement, dès que qu'est-ce que t'allais foutre à coucher avec mon ex déjà à la base? Bah ça me tenait à cœur en fait. Ça tenait à cœur de coucher avec mon ex. Bah je voulais savoir si tu disais vrai. Eh, j'ai mis ta musique de merde, je vais te tarter tes dents, bâtard de ta mère là. Hey, c'est quoi Priscilla? Franchement, ça commence à me casser les couilles. Hein. Allez, Jean-Claude, on chante. Ah oui. La. Vous vous trouvez drôle en plus. Allez, enlève vos caleçons. Hey, la cage au folle, là, on se calme. Bah, tu l'as, viens. Viens, mais viens que dalle, casse-toi. T'as cru quoi? Si viens, je te tords ta gueule. Pas, de viens, ah, pas. Mais oui, qu'il vienne. Oh là là, qu'il arrête de faire son ronchon. Et le ronchon, il va te tarter des dents, espèce de bâtard de ta race. Tu vas pas comprendre, je vais te casser tes dents, toi. Allez, ça va être direct, hein. Allez, mais vas-y, ferme ta gueule, que je viens. Vas-y, tu m'as cassé les couilles, vas-y, casse-toi. Viens, on boira un coup, je te sucerai le gland et puis on n'en parle plus. Bah voilà. T'as cru quoi toi? T'as cru qu'il y avait marqué open bar sur mon front quoi? Ah non, mais moi par contre oui. Hein. Ah bah si t'es une grosse pute, c'est ton problème, mais viens pas parler avec moi. Bah si, je viens de t'appeler. Ouais, mais c'est déjà à la base, t'avais même pas parlé avec moi, je sais même pas pourquoi tu parles avec moi toi. Bah parce que j'ai... Gros PD coachier va. Parce que j'ai envie de me ramener. Le gros PD, il va te casser tes... je vais même pas savoir. Franchement, si je te croise, il faut mieux pas que je te croise. Non, ça va bon, du coup, on vient chez toi ou pas, alors? Va te reculer, toi. T'as le pute, va. Allez, c'est bon, là. Tu viens chez moi, casse-toi. Oublie-moi, oublie-moi. Oublie où j'habite, oublie-moi. Oublie plus, je te connais plus. Eh, l'enculé que tu es, il va te baffer, tu vas voir. Non, mais parce que tu peux mettre pour jeu, c'est ça que tu veux, non? Mais attends, j'ai pété, non. Sérieux. Je joue pas le show, c'est facile de jouer le show au téléphone. Déjà, en face, quand on rigole un petit peu. Ça que tu aimes, te faire sodomiser, toi, hein. Ouais, ferme ta gueule, casse-toi là, je parle pas avec toi, je parle avec Priscilla, d'où tu viens dans la conversation déjà là. Je vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Bah non, je comprends pas non plus. Là, y a rien de grave, y'a rien de grave. Bah non, c'est normal, c'est la fête. Bah oui, c'est la fête, ouais, regarde, je te remets la musique. Bah allez, vas-y, casse-toi avec ta musique de merde, je vais te péter tes dents, toi. On est pas bien là, mon loulou. Voilà, patati patatou, et puis voilà. Hein, mon minou. Bon, Brian. Quoi? Tu m'as l'air un peu tendu là. Bah oui, détends-toi, Minou. À peine. Je pense qu'il faudrait te... Raccrocher dans deux secondes, vous allez pas comprendre. Il faudrait te détendre. Ouais, bien sûr. Ouais, il faudrait, hein. Ouais, c'est ça. Ça te ferait du bien. C'est juste que tu parles avec moi, passe-moi Priscilla, là. Bah elle est là, on est tous là, là. Bon, allez, calme-toi, Brian. Ouais. Du calme. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Priscilla reste quand même ta meilleure amie, donc ça, c'est le principal. Génial. Voilà. Mais Priscilla, je vais te péter tes dents. Tu vas pas comprendre. Mais arrête. Bon, t'es sur Fun Radio, Brian. Bon, oui, bah non, bah écoute, si je puis me permettre, ouais, c'est comme l'hôpital qui font de la charité, hein. Non, mais c'est pas sérieux. Ah bah si. Ah si, c'est, bah, ça dépend qu'est-ce que, de quoi tu parles, qu'est-ce qui est sérieux ou pas sérieux. Je suis pas sur Fun Radio, vous êtes si, regarde, on a même nos amis corses. PDA. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est bon. Bah oui, tout le monde est là. PDA. Très bien. Bon, on va quand même vous filer le téléphone, Priscilla, là, pour toi, et puis tu vas rester au standard, on te reprend dans quelques minutes, d'accord? Okay, allez, gros bisous à vous deux, bon week-end, je ciao. Pas merci, hein. Bisous, ciao. Tu n'as pas nous dire merci Brian, pas de problème. Salut Brian. Bonne soirée. Bon, et si vous voulez aussi faire un petit canular pour la semaine prochaine par exemple, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Vous appelez Sandro 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Il y a Nico sur le Facebook. Trop fort le gars, on dirait pingué, sérieux, et Mickaël mort de rire avec les et il monte en tension là, le gars trop fort. Il y a énorme le canular de Christopher, le prince Nadia qui dit il est très très énervé, c'est un canular donc réussi, oui on peut voir ça comme ça. Devers 45 qui dit le canular de ce soir il est d'art, moi j'en suis plié tellement vous faites rire avec vos vannes. Bilmus également sur le Twitter, pété de rire, rien à dire au top. Il y a Jean-Pascal aussi, j'adore la voix de Jean-Claude, tu m'excites JC. Oh, ben avec plaisir mon loulou. Voilà Ness également qui chatouillerait la rondelle. Viens, on va faire la fête à ton cul, mort de rire. Serge également, excellent le canular de soir avec Michel et Jean-Claude. Et 69 degrés sur le Twitter qui dit ce canular était tellement bon que je l'ai enregistré pour le faire écouter à des potes. Mort de rire, c'était mythique. Eh, dis à tes potes d'écouter l'émission en direct plutôt, c'est encore mieux ça. La petite fée aussi, oh qu'il est bête, oh qu'il est con. En même temps pour le coup c'est vrai. Oui. Enfin avec tout le respect que j'ai bien entendu pour son ami. Et Benji Spears qui dit oh putain le jus de chêne. Oui, d'où est sorti celui-là, Taf, le jus de chêne? Bah j'ai bien aimé. Pourquoi vous aimez pas le jus de chêne? Non, c'est un peu bizarre. Bah, c'est un peu. Ouais, c'est le jus de chêne, quoi. C'est bizarre. C'est dégueulasse, quoi. Tu aurais dit du jus de chèvre. Ouais. Du jus de chêne. Mais du jus de chêne. Ah ouais. Bon, on fait les appels. On fait les appels avec Toff dans quelques minutes. Le standard est toujours blindé, donc c'est très bien. La réponse avec la colle dans quelques minutes. Marine, le retour. Marc qui veut chauffer Marine. Morgane également. Et puis Jean-Mi qui veut également chauffer Marine. Bref. Pas mal de choses encore qui vont débarquer avant 2h du mat sur Fun Radio, dont un son qui déchire tout, c'est DJ Cassidy avec Calling All Earth. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés, car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Oh, il est bon le DJ Cassidy à l'instant sur Fun Radio, il fait très funky. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun, il est minuit 41. Putain, ça m'a donné envie d'écouter un autre son ça. Alors attendez, il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve un son qui fait à peu près le même truc. Alors sauf que ça date hein, pour le coup celui-là. Alors attendez, putain, comment ça s'appelle encore là Bah évidemment Tof, tu vas pas pouvoir m'aider toi. Non. Attends, non, bah... chante-nous un petit bout. Non mais attends, mais je vais retrouver le morceau, je crois que ce sera encore plus simple. Attends, genre. Je dois l'avoir ici, je pense, dans l'ordi. Ah bah non. Ah peut-être que si. Ah bah non. Ah bah non. Ah peut-être que si. Ah bah non. Ah mais j'y ai cru pourtant. Hein. Ah non, je l'ai pas. Oh merde. Ah ouais non, bah non. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais essayer de le retrouver et puis dès que je le retrouve, promis, je vous le mets sans problème. À moins que, alors attendez, peut-être que je suis en train de regarder en même temps un petit peu partout dans l'ordi. Non, je l'ai pas, tant pis, merde. Tant pis, bah c'est pas grave. Dès que je le retrouve, je vous mets un extrait, vous me direz si vous voulez l'écouter ou pas. Bon, Marine dans quelques minutes, on va faire les appels aussi et puis on a perdu malheureusement l'auditeur qui était là pour la colle. Ouais, oh. Il est sur répondeur depuis tout à l'heure. Bah du coup, on va appeler quelqu'un au hasard et puis ouais. Et puis on verra. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Et puis bah s'il ne décroche pas, bah, on gardera la GoPro, c'est con, mais moi je la veux bien. Ouais bah non, t'en as déjà assez comme ça toi, t'en as 4, t'es sérieux là? Une 3. Ouais bah ça suffit complètement. Une 2 et une 3. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Mathieu. Bah salut Mathieu, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais. Dis-moi, je t'appelle parce que on avait une colle à te poser. Bon malheureusement l'auditeur qui avait la colle s'est barré, donc tant pis pour lui, hein, j'ai envie de dire. Petite question donc. Mon premier est une note de musique, mon deuxième est un personnage des Simpsons, mon troisième est une faute de tennis et mon tout est orange. Qu'est-ce que c'est à ton avis? La mimolette. La mimolette, effectivement, c'est une bonne réponse. La GoPro est pour toi. Ouais. Super, super, super. Eh ben bravo à toi. La GoPro est pour toi, avec grand plaisir, écoute, sans problème. T'avais trouvé grâce à notre indice ou t'as trouvé tout seul comme un grand? Non, je l'ai trouvé, ouais, tu l'as mis sur Facebook et je l'ai trouvé. D'accord, okay. La faute de tennis, c'est quoi? La lette, c'est quand la balle elle touche le filet et qu'elle retombe dans le carré de service. D'accord, ok, bah dis donc putain, fallait le savoir. Hein. Quand j'avais dit que c'était compliqué au début, hein. Ouais. Ah c'est vrai quand même. C'est vrai. Bah oui, quand même. Bon, bah en tout cas, t'as gagné. Quoi qu'il en soit, c'est le principal. Je t'en prie avec plaisir. Eh ben, vas-y, profites-en à une seule personne. Choisis la bonne. Donc, dédicace au SP du lycée Jean-Jacques Audubon. D'accord, message passé, pas de problème. Salut. Ok, salut. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Marine, le retour maintenant avant de faire les appels avec Tof dans quelques minutes. Marine, qu'on a eu au début d'émission, qui est donc en chien. Hein. En chienne non, même. C'est pas vrai. Puisque bah si t'as 19 ans, ça fait 9 mois que t'as pas eu de mec, ça fait 9 mois que t'as pas vu le loup. Et on cherche un autre mec depuis tout à l'heure, t'en as déjà bâché deux là, et puis bah y a Marc avec nous maintenant. Salut Marc, enfin re-salut. Salut Mickaël, ça va? Ça va toujours être l'équipe. Bon, alors Marc. Ouais. Je te présente Marine, Marc. Et puis on aura aussi notre ami Cristal tout à l'heure avec Jean-François. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Alors, salut Marine. Bah écoutez, je suis désolé, j'ai pas suivi l'émission depuis le départ, donc je sais pas d'où elle est. Tu seras fouetté pour ça. Voilà, c'est pas très grave. Ah, j'ai été méchant, c'est vrai. Oui, de quelle ville elle vient? On va rappeler Jean-Claude. C'est ça. Bon, allez, vas-y, attaque. Bah, écoute, moi je suis de Nice, voilà, chef d'entreprise sur Nice. J'ai le roulis de la mer qui est juste à côté de moi, j'ai le soleil la journée, le pied, quoi, et puis une ambiance sympa pour rencontrer une nana sympa, quoi. Alors, je sais pas, Marine d'où elle vient, je sais pas ce qu'elle kiffe, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur elle? À l'heure actuelle. Ah, c'est déjà un bon début. C'est déjà pas mal, la voix passe bien, Marc. Est-ce que tu peux faire des blagues pourries? Ouais, alors parce qu'elle aime bien les blagues pourries aussi, elle aime bien les blagues pourries de JB, donc... Arrêtez de dire qu'elles sont pourries, non, ces blagues. Non, effectivement, t'as raison, c'est la pire merde qui existe sur Terre. Elles ne sont pas pourries, elles sont très pourries. Très mauvaises. Non, mais ouais, c'est départ, juste réaliste. Au départ, j'appelais pour la GoPro, pour la mimolette. Qu'est-ce qu'il y a? Au départ, j'appelais pour la mimolette. Eh bah ouais, ben t'as perdu, tu vois. Ça. Finalement, c'est un échec. Bon, Marine. Oui. Qu'est-ce que je fais avec Marc? On peut le mettre dans le panier, ça va me plaît. Tu le mets dans le panier. Alors attends deux secondes, ouais. J'ai le dernier là, il y a Jean-Mi qui est avec nous. Salut Jean-Mi. Salut Mika. Ça va? Ouais. Très bien. Jean-Mi, je te présente Marine qui est là, disponible, totalement ouverte à toute proposition. Ouais. Alors, Jean-Mi, Marine, Jean-Mi. Salut. Ça va? Ouais, déjà si c'est moi qui entame la discussion, c'est mort, next. Ah ouais, oh bah attends, et bim. Non mais Marine, gros bâtard de ta race, hein. Bah oui, non bah attends. Bon Jean-Mi. Ouais. Attaque ma gueule, dépêche-toi. Ah, dépêche-toi. Bon moi je viens du Nil. Ah, du Nil, putain, c'est loin. Non, en Corse. Ah, d'accord, je croyais que tu venais du Nil. Ah, ben non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, c'est mort, pourquoi t'as pas les Corses ? C'est pas mon truc. Bah, dis donc, ah ouais. Français de merde, avec ton accent pourri, là. Gaulois. Hey, Gaulois de merde. C'est pas bien, Marine. Marine, pourquoi t'es sectaire comme ça, là ? Vive les Corses. Corsica nation. Italienne. Et alors ? Et alors ? Et du coup, t'as pas les Corses ? Ah, non. Marine, c'est n'importe, quoi. C'est n'importe quoi, Marine. Alors moi, je suis portugais, j'en très sympathique. Moi, je suis portugais, c'est comme si je disais, j'aime pas les Espagnols. Non, non, mais ils sont machos. Mais pas les Italiens. Attends. Et pas les Italiens, ils sont pas machos, les Italiens. Ah non, les Rital, ils sont pas machos, non. Alors ça, non. Hein. Oui, mais c'est ma racine. Ah, c'est ta racine. Ouais, alors, d'accord, ok. Marine, t'es française, arrête de parler italien. Vaffanculo. C'est le seul mot que je sais dire en italien. De quoi? Bah, bon ben bah, Jean-Mi malheureusement next, hein, désolé. Ouais. Hein. Nous on aime les Corses, Jean-Mi, t'inquiète. Ouais, ouais, moi, t'inquiète. Moi je les adore les Corses. Ouais, c'est bon, ça, bah, mais... Je t'embrasse quand même sur les fesses. Hein, tu moi aussi. Eh bah très bien. Allez, Corse jusqu'à la mort. Ouais, c'est ça. Ouais. Salut Jean-Mi. Salut Jean-Mi, ciao à toi, bye bye. Bon, et eh bah écoute, bah Marc et Marine, on va vous laisser faire des petits au standard alors. Hein, on va vous donner échanger vos numéros, faites votre vie. Ouais, merci, c'est cool, merci. Avec plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. Tranquille, avec c'est plaisir. Salut Marine. Ah ouais, attendez. Faut faire un petit bisou. Attends, t'as entendu, Marc, le son de DJ Cassidy que j'ai mis là, avec Calling All Earth? Ouais. Ah bah, j'ai retrouvé la chanson que je voulais mettre. Ah. Mais c'est vieux. Tu cherchais. Non, mais ouais, j'ai cherché, ouais. J'avais compagnie créole. Mais non, t'es ouf, attends. Non, j'ai pas les goûts de JB, moi. Bon, alors attends, c'est ça, c'est vieux, hein. Listen up, y'all, this room's a mama. Hit it. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, putain, là on est bon énorme, là. Là on est énorme, ce genre de son. Là on est pas bon, on est au top, écoute. Moi je trouve que ça ressemble un peu à DJ Cassidy. Enfin, t'entends la basse, en tout cas. Et t'entends la vraie basse, le mec joue vraiment là. Ouais, ouais. Bon, bah, écoutez. Là, il manque plus que les pattes et la boule à facettes. Grave. C'est fait, Toff, sa tête c'est une boule à facettes et il a des pattes def. Allez, je vais la faire tourner. Allez, j'adore. Appelle-moi Boris. Vraiment. Ah ouais, Boris, ouais. Eh, dites-moi si vous voulez que je la mette avant 2h, c'est pas sa dénasse. C'est du son d'Explore. Ouais, bah oui, à l'époque, ouais. Toujours. Sandro, t'aimes bien ou pas? Bah oui, bah mets le casque. Mais j'entends rien, ça sonne. Ah, mais je suis décroché, je suis au standard. Écoute. Ah ouais, c'est quoi? C'est pas sa tédasse. Ah, c'est bon ça. Ah, écoutez, mais attention. Il y a beaucoup de sons comme ça en ce moment. Il y a le refrain. Moi j'adore. T'aimes bien ton mari ou pas, toi? Ça va. Ça va, d'accord, ok, très bien. Bon ben voilà, c'est le son auquel je pensais, donc dites-moi si vous voulez que je vous le passe, hein, tout à l'heure avant 2h. Vous me le dites, hashtag et Mickaël, c'est pas ça des nasses le titre, c'est un vieux morceau des années 80, je vous le dis. Hein. Mais voilà, ça... Ah là, pas. Ça le fait, moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ça, désolé. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, c'est dans le même esprit quoi. Mais là, tu sens que c'est pas des vrais instruments sur celui-là. Ouais, tu sens que c'est du plus récent. Alors, évidemment. C'est une vraie basse, une vraie trompette, un vrai voilà, saxo. Bon ben vous nous dites si vous voulez que je vous le passe, y'a pas de problème. Alors Marine, tu veux que je le mette ou pas toi le morceau tout à l'heure? Ouais, moi je veux bien. D'accord, Marc. Bah écoute, j'ai installé les pas def, la perruque, je m'appelle Boris, tu peux y aller. Eh bah parfait, donc le dance floor est installé donc. Très bien. Allez, je suis en place. Ça roule. Et toi Morgane qui est avec nous de Belfort. Salut Morgane. Salut Mickaël, salut l'équipe. Ça va bien? Ça va et toi? Nickel. T'as entendu le morceau? Tu veux que je le mette ou pas en entier tout à l'heure? Oh bah ou t'aimes ouais. Pas ou t'aimes bien? Non, si j'aime bien. T'aimes bien? Bon bah très bien. Bah je crois que je vais mettre. Bah continuez, dites-nous, hashtag et Mickaël, je vous le mets tout à l'heure sans problème. Bon salut Marc, salut Marine. Ciao Mickaël, ciao merci, ciao fun. Salut de rien. Oui Marine, tu voulais dire un truc? Tu peux faire un bisou à JB de ma part quand il arrive en studio. Tu sais quoi, je vais lui mettre un gros fuck. Un gros doigt dans le cul. Non. Il va adorer. Ah ouais, je sais qu'il va adorer. Ouais. Mais tu le connais pas. Bon Marine. Oui. Non. Voilà. Bah je t'écoute plus, c'est fini. Eh bah tant pis Marine. C'est toi qui perdra pas moi. Ouais, et qui se la ramène. Bon allez, gros bisous Marine. Bisous. Ciao, à bientôt. Morgane, de quoi on va parler avec toi, dis-moi? Sois la bienvenue. Alors, déjà. Oui, alors ben déjà avec moi on va parler comme quoi c'est mon beau-père, j'ai un petit problème avec lui. En fait il trompe ma mère avec une amie à moi. Ouais. Oh le bâtard. Il trompe ton père. Attends. Il non, trompe sa mère. Mon beau-père trompe ma mère avec une amie à moi. Oh là là l'enculé. Ça c'est bon. Et quel âge est là ton ami? 34. Et quel âge est là ta mère? Ma mère 42. Ah ouais. Ah bah oui, il a voulu taper dans de la plus jeune quoi. Ah ouais, comment ouais. Tu le sais? Donc c'est pas trop cool quoi. Mais comment tu le sais? En fait, il y a une amie à ma mère qui l'a appelé tout à l'heure et puis qui lui a confirmé. Et quand ma maman m'a demandé d'aller voir sur Facebook et que j'ai vu sa tête, j'ai dit je la connais. Ah bah oui, forcément, ouais. Évidemment, évidemment. Tiens, t'as le même accent que Joël, l'auditeur qui est là. Tiens, Joël, parle un peu là. Bonjour. Hop là, prends le micro. Enfin, merde, je me suis gouré. Hop là, voilà. Ça va ? Parle avec qui ? Attends, parlez un peu ensemble à Morgane et Joël là, dans le studio. Ça va, Morgane ? Salut. Ça va et toi ? Ça va. Ouais, mais c'est ça, c'est la même région. Ah ouais, c'est la même région, ouais. C'est marrant parce que pourtant je suis belge, mais ça fait un peu accent belge. Je suis de Belfort. Bah oui. Hein, et toi, fille de Bruxelles. Bah ouais. Et voilà, c'est pourtant pas à côté l'un de l'autre, mais quand même. Mais pourtant. Non, pas trop. Voilà. C'est vrai qu'on a vécu ensemble. Et pour le Charleroi. Ça va pas. Je suis de Maison Lafitte. Je suis du 95. Je suis du 78. Paris, Île-de-France représente. Ouais. Capitale du monde. Ça, ouais. Eh oui, n'importe quoi. Bon, Morgane, on va parler avec toi dans quelques minutes. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et puis, si vous avez des conseils aussi par rapport à Morgane, on en parle dans quelques minutes. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va faire les appels avec Toff. Dans quelques minutes, on aura Jean-François et nous aurons également Vanessa et Cristal. Les deux sont de retour. Ça va être du lourd. Ça va pas être lourd, ça va être très très lourd. Tiens, il y a Benji qui dit ce soir on chill, Mickaël. Elliot qui dit de Pasadena, c'est super bon. Le prince Nadia qui dit ouais, je veux Pasadena avant 2h, je vous adore. Bon, on va le mettre alors, hein, que je vous lise moi. Ah. Bah ouais, attends, il est tellement bon, moi j'adore en plus. Hein. Bon, année 80 là maintenant, c'est dans le même esprit que ça. Voilà, je vous passe une version qui date des années 80 pour le coup de Pasadena maintenant avec Tribute. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir. Pour les autres, ça vous fera des souvenirs. On est parti maintenant, minuit 54 sur Fun Radio. Alors écoutez bien, vous n'avez pas forcément l'habitude de l'entendre sur Fun Radio, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hey, listen up y'all, this room's a mama, hit it. Et ben voilà, je vous l'avais promis, le son de Pasadena avec Tribute en mode très funky. C'était très très fucking hoof d'ailleurs hein, pour le coup. 1988, c'est-à-dire que la majorité n'était pas née encore, mais voilà ce qui se passait dans les années 80. Voilà, petit moment culture. Il y a Nico qui dit pas là là, terrible la musique, ça donne envie de sortir, ça vous déchirez, continuez comme ça. Valou également, merci Mickaël, que de souvenirs, j'ai fait mon tout premier roulage de pelle sur cette chanson lors d'une soirée à thème. C'est mignon. On est bon là Valou là quand même, on est pas mal. Elliot également de Pasadena avec Tribute en mode 80-90. C'est 88 pour être précis, rien de mieux. Et Manu qui dit ça c'est du bon son, là ça change. Alex également, vous êtes des dieux, faites péter les plongs, les plombs aux gens. Trop bonne soirée, les plongs. Les plombs Alex, les plongs. C'est un B à la fin. Christopher qui dit c'est quoi comme son? C'est de Pasadena, je l'ai mis sur le Twitter avec Tribute, c'est le titre. Je kiffe le son pour Ness, tant mieux, hein, plutôt bonne nouvelle. Moi j'ai bien aimé aussi, puis ça le mérite au moins de varier un peu là. On s'est mis, hop, et je me suis dit, en fait c'est venu là-dessus. Hein. Sur DJ Cassidy qui faisait je trouve très années 80, très funky et que j'aime bien du coup hein. Voilà, bon, on en mettra d'autres comme ça de temps en temps là. J'en ai encore des trucs qui ressemblent comme ça à Pasadena en stock là, je vous les mettrai à l'occasion sans problème. Bon, à suivre aussi Clean Bandit avec Rather Be. Et puis encore un morceau pour chiller pendant que Toff va chier, le son de Route 94 avec My Love. Voilà, je vous le cale tout à l'heure sur Fun Radio, donc restez bien là. Et puis on va faire des appels maintenant avec Toff là. Ah et bah oui, il va falloir un moment ou un autre. Hein. Allons-y. Eh bah c'est parti, on récupérera Morgane juste après. Laurent, on aura Jean-François également avec. Jean-François. Avec notre amie Cristal et Vanessa qui ont appelé au standard énervée. Ah bah elle est bouillante là, elle est bouillante. Parce que Jean-François a essayé de draguer Marine et donc forcément ça n'a pas plu à Cristal, vous imaginez, vous connaissez la bête. Hein. Bon, en attendant, on appelle des gens puisqu'on s'est rendu compte d'après un sondage français qui a été fait en France. Pour une fois, c'est français, non pas anglais ou américain ou canadien. Et donc apparemment, si vous êtes une fille et que vous êtes déjà sortie avec plus de 5 mecs, eh bien vous ne trouverez très probablement pas l'homme de votre vie. Et non. Parce que apparemment, il faut le trouver avant le cinquième mec. Sinon, c'est que vous êtes trop indécise. Exactement. Donc du coup, on va appeler des numéros, enfin des gens du coup, hein, par rapport aux numéros qui nous ont été envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allons-y. Eh ben c'est parti, on y va, on appelle maintenant 1h01. C'est vrai qu'on normalement on fait ça un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. J'espère que ça rompit pas cette heure-ci quand même. Hein. Allez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir combien de partenaires votre femme avait eu dans sa vie. De quoi? Ben, avec combien d'hommes elle a couché? Eh ben, si t'as les couilles, t'appelles en numéro normal et puis tu me le dis. Ben, je... Oui, je peux pas parce qu'en fait, c'est bloqué, monsieur. Mais si vous voulez, je vous donne mon numéro. Moi, y a pas de problème. Hein. Ouais, ben, vas-y, donne ton numéro. Alors, 01... Ouais, ben, tu te mets dans le cul, 01, mon gars. D'accord. Le 42, j'en fais quoi? Ah ben, tu te le mets dans l'anus. Et le 48? C'est ta mère. D'accord. Et le 50? C'est ton père. Et le 00? Dans ta grand-mère. Ah oui, quand même, ma grand-mère. D'accord, mais tout ça répond pas à ma question, monsieur. Ouais, non, bah écoute, ferme ta gueule, tu me parles honnêtement. Qui t'es, toi? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. De quoi? Moi, je m'appelle Toff. Allô? Oui. Non, je disais, je m'appelle Toff. Oui, et puis? Eh ben, en fait, je voulais savoir... Ah, parce que c'est pas le même. Je voulais savoir, en fait, avec combien de partenaires votre femme avait couché? Alors, tu viens de dire quoi, là? Avec combien de partenaires ma meuf avait couché? Voilà, c'est ça, monsieur. Et puis toi, t'as couché avec combien de mecs? Ah, de bâtard. Ah non, monsieur. Comment? Non, je peux pas vous laisser dire ça, monsieur. Enfin, pourquoi autant de violence? Et pourquoi tant de violence? Toi, tu viens de dire avec combien de partenaires ma meuf avait couché. Oui, c'est alors, ça. Tu fermes sa gueule et puis donne son numéro de téléphone, hein? Mais je viens de donner mon numéro de téléphone à votre ami, monsieur. Ah ouais, et t'appelles pour quoi faire? Ben parce que je veux savoir, en fait, avec combien de partenaires votre femme a couché déjà. Avec qui? Avec toi? Non, avec combien elle a couché de partenaires, monsieur? Et puis toi, ta femme, elle a couché avec qui? Ben je sais pas, j'ai pas de femme. Ah, non, je vais payer la dernière fois. Comment? Non, je dis, je n'ai pas de femme, moi, monsieur. Ah, t'as pas de femme, t'es pédé? Non, en fait, j'ai un chien. Ah, tu veux baiser avec ton chien, toi? Voilà, c'est ça. Ben je vais baiser avec ta chienne, moi. Ah, si vous voulez, monsieur. Mais ça répond pas à ma question. Voilà, ben tu sais quoi, tu zappes ce numéro? Oui. Voilà, et t'appelles ailleurs, d'accord? D'accord, mais vous répondez pas à ma question, là, monsieur. Oui, bah je répondrai même pas à ta question. Ah bah oui, mais non, ça se fait pas, parce que moi je vous ai appelé pour avoir une réponse, monsieur. Voilà, t'habites où? Bah moi j'habite Paris, monsieur. T'habites Paris? Nous on n'a pas Paris, si on est dans le 25, tu vois, ça n'a rien à voir. On t'appelle sur Paris, plutôt. Bah non, je vous ai appelé vous, monsieur, donc c'est pour avoir une réponse. Tu vois, je vais te faire enculer, connard. Bah enfin, monsieur, ça se dit pas. Bah ça se dit pas, mais il le fait, hein. Oh, quel homme sympathique. Attends, on va le rappeler un coup, là, hop là. On y retourne dans le 25, justement, tiens. Oui, je m'excuse, monsieur, mais en fait, vous avez pas répondu à la question. Donc... Ouais, c'est quoi, le numéro que tu m'as donné ton numéro? Oui, je vous ai donné mon numéro, oui. Voilà, c'est quoi, s'il faut, moi, je vais au flic, là. D'accord, mais répondez à la question avant, monsieur, parce que comme ça, ça m'évite de vous rappeler. Voilà, bah, elle a couché avec ta grand-mère. D'accord, mais... Non, je bouffais la chatte à sa grand-mère. Ça te va ou pas? Bah, moi, j'ai bouffé la chatte à sa grand-mère. Oui, ça oui. Te va ou pas? Mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Je te dirai rien. Bah, pourquoi, monsieur, c'est pas gentil? C'est pas... Oh, arrête d'être gentil avec moi, là, parce que tu me gonfles, connard. Bah, enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Monsieur, oh. Oui. Prends-le, toi. Allô? Oui. Ouais, vous étiez exactement? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Pardon, attendez, excusez-moi, j'ai pas entendu, vous étiez qui? Je m'appelle Toff. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous amène à... que vous appelez sur ce numéro-là? Bah, en fait, parce que je voulais savoir... Non. Je voulais savoir avec combien de partenaires votre femme avait couché, monsieur. Ok, d'accord. Alors, je veux dire avec combien de... Bon, attends, je vais te dire le nombre, hein. Oui. Ta mère, elle a une cicatrice jusqu'au cou, non? Je crois... Donc, ça veut dire que ça, c'est le nombre de copains qui est passé dessus, quoi. Donc, à mon avis, c'est comme la SNCF, hein, dans le TGV, le TER, le métro, oui. Les bus, oui. Les Montjura. Oui. Et je pense qu'en fait, c'est qu'un connard qui s'amuse, et puis quand on décroche, en fait, ça doit te faire plaisir. Parce que nous, comme on décroche, ça fait qu'on paye. C'est ça? Ah non, c'est gratuit, monsieur. Ça. Ah bon, c'est gratuit? Ah bah oui. Ta gueule, c'est gratuit aussi? Ah, si vous voulez, mais ça n'a aucun rapport avec la question, monsieur. Mais vous savez quoi, je crois que plutôt que monsieur, c'est un gros arnaqueur. Non mais, non, parce que moi je veux bien vous expliquer, monsieur, bah, comment je fais. Non mais je pense que vous voyez, là je suis en train de passer une soirée tranquille, pépère, vous appelez comme ça, d'un coup vous dites avec combien de partenaires vous avez en plus, vous appelez sur un numéro que vous ne connaissez même pas. Ah non? Si lui il veut, il va directement... Hey, attendez, je vais vous dire un truc. Vous savez comment je peux faire? Non, le dites-moi. Problème c'est que moi je travaille dans les téléphones. Ouais. Donc le problème c'est que moi j'ai un ami qui est hacker, donc vous savez ce que c'est les hackers? Ouais, c'est passé un truc qui vous tient vraiment au fond de vous-même et tout, c'est pour ça que ça vous tient à cœur. Non mais vous savez ce que c'est un hacker ou pas? Non pas un hacker, dans le cœur, un hacker, celui qui détecte tout ce qu'il peut savoir sur internet ou dans les portables. Ah. Eh oui, j'ai justement une enfance, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre le téléphone, ouais. On va le poser sur un appareil, ouais. Et on va pouvoir détecter qui vous êtes réellement, puis pourquoi vous tenez une enquête comme ça. Eh ben, écoutez monsieur, moi je prends le pari que d'ici 2 heures vous n'aurez toujours pas trouvé. Hein? Vous voulez qu'on fasse quoi? Bah là on va se quitter, monsieur, parce que ça commence à être un peu long. Ah, bon, on va se quitter parce que je viens de te casser, connard. Allez, bonne soirée. Ciao. Waouh, il t'a tué. Ah ouais, il était bon. Lui. Là, je pense qu'il faisait une petite soirée. Ouais. Non mais là, il était dans une bonne soirée, mais il s'est surtout cru dans les experts en fait. Ouais. Oui, alors moi j'ai un ami, il est hacker, il va détecter qui tu es et on va savoir qui tu es. On va poser le téléphone sur un appareil. Et on va. En fait, il confond avec le. C'était dans l'ancien temps, c'était le. Comment on appelait ça le... Tu sais, t'avais vraiment un appareil comme ça où tu posais là. C'était un. Toi qui es spécialiste d'informatique. Ouais, mais je vois pas ce que c'est cet appareil. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un moment, il dit tu vois, le problème, c'est que je travaille dans le téléphone. Il était dedans en fait. Oui. Il est pas dans les téléphones, il est dans le téléphone. Dans celui-là, précisément. Il y a Romain qui dit mort de rire, le cul, l'anus. C'est pareil, il est con le mec. Et un message. Ah oui, c'était par rapport au son de Pasadenas qu'on a mis. Ça, c'est bon, ça, du vrai son avec des vrais instruments. Je m'éclate dans mon camion. Merci, Mickaël. J'ai 38 balais, donc les années 80, ça me parle. C'est Philo de Brive. Et Alex également. Putain, le canular était trop bon tout à l'heure là. Merci, Toff, le gay. Et comment ça, les profs de maths, c'est des enculés, je suis prof de maths, moi c'est vous les enculés, puis c'est toute l'équipe, c'est Raph. Ah mais c'est Polo qui a dit ça. C'est vrai que c'est mais moi je confirme, c'est enculés, ouais. Prof de maths. Bon, et Serge qui dit trop fort, mode folle pour le canular de tout à l'heure, et Christophe également, on va boire un verre et tu mettras un doigt, trop fort ce Jean-Claude. Ouais, il repassera de temps en temps là, il repassera. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, Morgane. Oui. Bon, Morgane qui nous avait appelé parce qu'il y a des problèmes de famille. Ouais. Bon, elle a un beau-père un peu chaud quoi. Bon, pour résumer, t'as une mère. Oui, bah heureusement. Oui, pas là, d'accord, mais bon. T'as une mère qui s'est remariée avec ton beau-père. Voilà. Et ce beau-père se tape une copine à toi. Une amie à moi. Voilà. Et ça, c'est bon. Mais est-ce que c'est le fruit du hasard? Enfin, genre, il l'a choisi, tu vois, il la connaît grâce à toi, ou c'est vraiment il l'a rencontré ailleurs? Non, ils savent même pas que je suis au courant. Oh là là. Oh, et ta copine, quand tu lui poses la question, genre, ça va les amours, elle te répond quoi? Là, sur Facebook, elle a mis qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans son cœur. C'est mignon. À défaut de rentrer dans son cul. Bah oui. Mais la différence d'âge, elle doit être importante quand même entre les deux, non? Elle a 34 et mon beau-père, il en a 41. Ah ouais, non, ça va. Ah oui, 34 et 41. Ah putain, c'est ta meilleure amie, elle a 34 ans, toi t'en as 21? C'est pas ma meilleure amie, c'est une amie en fait. Ouais, bah quand même quoi, 34, 41, ouais d'accord, ok. Bon, l'écart est important, mais bon après, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est qu'il va pas tarder à se barrer de chez ta mère, hein. Ouais, ou pas, hein. Il a peut-être juste envie de se vider un peu dans une autre, hein. Merci, Toff, quelle classe. Je vous en prie. Ah, c'est la grande classe. Non, bah, si vous avez un peu de besoin d'un peu de classe, vous m'appelez. Moi, gratuit, c'est. Ah, ben trop aimable. Bah, je sais. Cette bonté te perdra. Est-ce que t'en es sûr de tout ça? Oui, sûr et certaine. Moi, je dis, appelons pour vérifier. On peut appeler le beau-père, hein, tu sais, tu lui demandes, ou ta copine, là. Non, on appelle la copine. Ah, d'abord. Non. Mais pourquoi? Ouais, mais attends, la copine en même temps, elle y peut rien, la pauvre, elle savait pas. Ah si, la dernière fois, en fait, ils se sont rencontrés dans un bar, mon beau-père et mon ami. Mmh. Ils se sont rencontrés dans un bar, et une fois, ma maman était les chercher, et elle était là. Ah oui. Ouais. Et donc... quand ma maman lui a dit, tu préfères rester avec ta pute que rester avec la femme de tes enfants, et c'est parti en cacahuète. Ah, mais là, ça va partir encore plus en cacahuète, à mon avis. Hein. Mais attendez, parce que moi, il y a un épisode que j'ai pas suivi. Quoi? Donc là, les deux vont dans un bar, ils picolent, ils sont torchés, et c'est ta mère qui va les chercher. Ah, elle allait chercher mon beau-père à la base. Ah oui, d'accord, mais du coup, elle a ramené les deux. Non, ok, non, normal. Aussi, attends, puisqu'on est dans l'enquête, là. T'as quel âge? 27 ans? 21. Ah, 21, d'accord. Ouais, 21. Et donc, en fait, le beau-père, il est le père de tes sœurs ou frères? Oui, mes demi-frères et mes demi-sœurs. D'accord, ok. Vous êtes combien? Mais, ouais, vous êtes combien? Ma mère, elle en a eu 4 après moi. Oh là là. Ah ouais, elle a pas chômé, hein. Ah bah c'est bon. Ça, c'est un chaud lapin, il a besoin de vider, quoi. Écoute, moi, alors première chose, déjà, techniquement, c'est pas ton business. Ah mais ça me fait mal, maman, pas bien. Ouais, d'accord, mais bon, je veux dire, vraiment, c'est pas tes affaires. Normalement, c'est pas tes affaires. Après, je peux comprendre que t'as envie de gérer le truc, mais... Peut-être en parler à ton beau-père en disant écoute, je suis au courant de tout en fait, donc qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Et donc tu lui mets un petit peu la pression, tu lui dis écoute, si jamais je te laisse X jours pour le dire à ma mère, enfin à maman, ou enfin je sais pas comment tu l'appelles, et si tu le fais pas, je le fais, ça lui mettra un petit peu la pression, et puis voilà. Mais... Moi personnellement, je trouve que tout ça doit se faire à l'antenne. Ah oui, mais je suis entièrement d'accord. On a un meilleur plan. De quoi? En fait, on va aller avec ma maman, on va aller les rejoindre au parc. Et en fait, avec des sacs, on va ramener les affaires de mon beau-père et puis on va tout jeter au milieu du bar, puis on va lui dire garde. Tu peux faire ça un soir entre 23h et 2h? Ouais, si on peut participer à cette... Ouais. Moi je voudrais participer, je vous envoie les sacs. Les sacs. Ah bah oui, moi j'ai des très jolis plastic bags que je peux vous prêter. Ah oui, bien sûr, c'est un prêt. Hein. Écoute, avec plaisir, non, ça peut être une idée, tiens. Bon, qu'est-ce que vous avez déjà fait, tiens, les filles? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous faisiez faire cocu par un mec ou inversement? Et comment vous avez réagi? Ça pourra peut-être donner des idées, tiens, à Morgane dans quelques minutes. Là, appelez-nous 0142. Bah oui, 0142 48 5000 ou 02 851 4x0. Allez, restez sur Fun Radio, on se met le son de Clean Bandit, je l'ai promis tout à l'heure, tiens. Pas mal ça. 1h12 sur Fun Radio, on est au cœur de la nuit, sans pub. Si vous débarquez sur Fun Radio par hasard, eh bien vous allez certainement y rester. Car oui, vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter le soir à la radio. Terminez les émissions de merde. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite jusqu'à 2h et Clean Bandit. Clean Bandit à l'instant sur Fun Radio, c'était Rather Be. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, limite, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et toujours en direct avec un message de Juju, Justine sur le Facebook. Merci, c'est ma musique du moment, je vous kiffe toute l'équipe, vous vendez du rêve. Merci Justine et gros bisous à toi. Il y a Romain également, lol, c'est pas mes affaires, mais si ma mère écoute la radio, il est pas dans la merde, son beau papa. Ah oui, si la mère écoute, ah oui, confirme, effectivement. Ouais. Et message aussi qui est arrivé, je viens de débarquer, un petit message de bienvenue, c'est Ouda qui avait envoyé son message, bah, bien sûr. Un bien dégueulasse, on l'avait demandé sur le Twitter également, tiens. Alors, moi, je vous coupe en deux, je vous nique, je te nique ta mère, je te nique ton père, je te nique toute ta famille, moi. Bah voilà, Ouda. Et il y a Riz aussi, salut, je suis Riz de l'île Maurice, j'habite à Dubaï, je viens de niquer deux fois, et là, je fais mon repassage en vous écoutant, je fais aussi ma valise, car demain, je pars à Manchester pour le week-end, bis à vous. Attends, je suis Riz de l'île Maurice, j'habite à Dubaï, et demain, je pars à Manchester pour le week-end. Ouais. Ouais, mais c'est ça, ouais. C'est les gens qui sont dans les trucs hyper, hyper sympas toute l'année, ils sont obligés pour se rendre compte d'aller dans les trucs pourris comme Manchester, tu vois. Ouais. Ils ont besoin pour se rappeler qu'ils sont bien. Oui, peut-être, je me rends pas bien compte comme ça. Jean-Pascal qui dit coucou Paris, ici c'est la Réunion. Oui, eh ben salut la Réunion, c'est comme si Jean-Pascal qui est à la Réunion qui se dit bon, moi je pars une semaine, je vais à Tourcoing. Ouais, mais voilà, mais je pars une semaine en vacances à Tourcoing. Ah bon, et après, mais quand il va rentrer à la Réunion, il va se dire ouais, je suis quand même bien ici. Ah ouais, peut-être, effectivement, ouais, peut-être. Ludo ID 55 sur le Twitter également, je n'ai pas eu mon message de bienvenue non plus. Bah oui, attends, je vais t'en mettre un petit message de bienvenue, pas de problème. Et ben va lui mettre un gros 2 dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Bon. Voilà. En toute simplicité, bien entendu. Bon, récupération de Morgane dans quelques minutes, mais il y a Laurent d'abord avec nous dans Goulême là. Salut Laurent. Salut Mickaël. Comment ça va? Bah ça va et toi? Eh ben écoute, plutôt pas mal. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère, je les arrose. Voilà, mais c'était la grande classe. C'était la très grande classe pour le message de bienvenue. C'est bon à savoir. Mais oui, chez Laurent, qu'est-ce qui t'amène? Tu appelles pourquoi, dis-moi? Par rapport à comment aux cinq hommes, si une fille se tapait 5 hommes, elle ne pouvait plus trouver l'homme de sa vie. Exactement, c'est par rapport aux appels qu'on a fait avec toi il y a quelques minutes. Oui, mais non, je... Enfin, déjà, les gens ne répondent pas. Pourquoi tu parles comme ça? Oui, pourquoi tu parles comme ça, cher ami? Normalement. Ah, d'accord. Très bien. Normalement. Eh bien, nous... Alors, oui. D'accord. En solidarité. Ah oui. Nous allons parler comme toi. Voilà, tout simplement. Voilà. Non, vas-y. Non, pourquoi t'es pas d'accord avec ça? Parce que je trouve que c'est totalement faisable. Hein. Non, mais bien sûr que c'est faisable. Mais après, c'est une enquête, on n'est pas dans le sérieux. Hein, Oui, bah oui. On n'est pas dans le sérieux, Laurent, après, t'inquiète bon, pas. Ils se trouveront jamais. Oui, bah après, c'est ça, regarde, voilà, bien sûr. Gartoff, il a déjà eu combien de conquêtes, là? Je sais plus, je compte plus, là. Mais trop. Non, mais des vrais, pas des meufs que tu baises, là. Ah, des comme des... toutes les poufs, enfin, pas des, on parle pas des poufs que t'as baisées. Des meufs vraiment sérieuses? Ouais. Trois, peut-être quatre. Il y a la salope, alors on compte, il y a la salope, là, qui t'a quitté. Ouais, il y a la salope, il y a la blonde. Il y a la blonde. Voilà, celle qui est balèze. La blonde qui fait du sport et qui vit aux États-Unis. Ah oui, ok, ouais. La brune qui travaille dans le luxe et qui vit aux États-Unis. Ouais. Ouais. Et. Ah bah non. T'as vu, elles ont toutes quitté le continent. C'est-à-dire qu'elles sont après barrées. Il y en a une qui est partie du pays, l'autre et les deux autres sont partis carrément sur un autre continent. Il y en a une ou deux qui se sont suicidées. Mais ça, ouais, on en parle ouais, pas. Mais ça, ouais, donc ça. Voilà, c'est ça, c'est plus grave, donc on va taire ça. Donc trois? Ça fait trois, ouais. Mais arrête. Non. Et le reste, c'est du caca, en fait, t'as juste, t'as pissé dessus. Bah oui. C'était du paillasson, quoi. C'est ça, je me suis fait accrocher sur des croix, enfin des trucs. Oh là là, quelle angoisse, quelle angoisse. Il y a Angelo qui dit la meilleure radio c'est fun là, comme tu dis Mickaël, les autres c'est de la merde. Non, après il y a d'autres, je vais pas dire ça, hein, mais il y a d'autres émissions merdiques. Hein. Ça par contre pour le coup effectivement on ne peut pas le cacher. Julie aussi qui dit c'est l'otap selfie ou pas, vous êtes au top. Ah oui d'accord, c'est par rapport au selfie qu'on a fait tout à l'heure en version cello. Oui. C'est l'eau selfie oui. qu'on a fait tout à l'heure. On était bien. Ah, on magnifique avec nos gueules et scotché sur la gueule. C'était pratique, c'était super beau. Facebook.com/MIKAELOfficiel. D'ailleurs, quelqu'un demandait quelle application on avait fait pour. On avait utilisé quelle application pour faire ça. Ben rien, on a mis du scotch dans notre gueule et on s'est pris en photo en fait, bêtement. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'application qui transforme le truc en selfo là. C'est réalisé sans trucage. Exactement, mais par des professionnels. Ah, comme d'habitude. Méfiez-vous. Bon, ben Laurent, merci à toi d'être passé en tout cas. D'accord, et je voulais juste poser une petite question. Vas-y Laurent. Oui, vas-y. Oui, pour les filles qui cherchent, etc., l'amour, vous le faites directement, mais si c'est un homme, est-ce que vous le faites aussi? Bah oui, pourquoi pas, oui. Oui, parce que si j'envoie vos photos, alors. Question, moi. Non, mais parce qu'on a eu Marine tout à l'heure et qu'on a cherché un mec pour Marine. Ah oui, d'accord, et il voulait savoir si en mec célibataire, est-ce qu'on pouvait y trouver une fille. Ah. Alors évidemment, on peut le faire, mais ça appellera beaucoup moins, hein. Parce que les meufs sont moins du style, alors il y en a, mais sont moins du style à appeler, machin, etc. Tu sais, en général, les meufs, elles claquent des doigts, elles ont un mec. Hein. Si elles ont envie de se faire trancher, elles se font trancher sans problème. Pour une fille, c'est plus facile qu'un mec. Ah, mais bien sûr, attends, évidemment, ça c'est clair. Suffit qu'elle m'appelle, moi je viens. Ouais, mais enfin bon, après, il y a des filles, les filles ont du goût aussi, hein, tu vois. Après, bon, il y en a pas, évidemment, il y en a qui ont pas de goût. Mais en général, les filles ont du goût, c'est pour ça aussi que. Ah top, il t'a dans toutes les merdes. Du moment que ça veut bien de moi, j'accepte. Ouais. Hein. Tout ce qui est faisable, tout ce qui est possible. Bon, bah Laurent, merci à toi en tout cas d'être passé. Et puis à l'occasion, tu nous appelles si t'as pas trouvé de meuf d'ici là. Eh bah, y'a pas de problème. Ça roule. Salut Laurent. Au revoir. Ciao Laurent, bye bye. Bon, alors Jean-François. Oui. Bon, bah y'a toujours notre ami là qui est avec nous là. Hein. Cristal. Allô. Allô Cristal. Oui, Jean-François. Comment vas-tu? Mal. C'est du chaleur. Attends, c'est Cristal qu'on a besoin. Hein. Ben oui. Et fait tromper. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Allô? Allô, Cristal? Oui, je suis déçu, Cristal, que Jean-François. Pourquoi? Avant, pas mes rêves, Qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Rien. Allô? Allô, oui. Oui, je ne comprends rien, Jean-François. Hey, Jean-François. Oui. Je vais te raccrocher au nez, on va te rappeler parce que j'ai l'impression que dans une église. Ah oui, je ne comprends rien, Jean-François. Une petite église. Ouais, une église de merde. Bon, Jean-François, je raccroche et je te rappelle, d'accord? D'accord, tu me rappelles. Oui, je te rappelle, bouge pas. Tu me rappelles. Oui, je te rappelle tout de suite, Jean-François, t'inquiète pas. Hop là, voilà. On va l'appeler sur une autre ligne parce que je pense que c'est la 7 qui est foireuse. Il est def. Voilà, c'est ça. Alors, attends. vous appelez les filles au standard? Sur l'autre ligne, hein, sur la 6, parce que la 7 elle a l'air un petit peu foireuse là. Et puis on va récupérer Morgane dans quelques minutes. Tiens Morgane, t'as pas envie que je te présente Jean-François? Jean-François? Ouais. Non, c'est bon, c'est grave. Oh, c'est dommage. T'es célibataire Morgane? Non, j'ai mon homme et il est en train de dormir. Bah justement là, il dort là. Hey, c'est ça, il dort, il est pas là. Bah voilà, c'est ça. Morgane, pince-lui les couilles pour nous là qu'on rigole. Ah ouais, en direct. Non. Allez, ou alors mets-lui un petit doigt là. Non. Allez, ça, vas-y, sois rock'n'roll, merde. Vas-y, tu lui mets un watt, comme non. Paf. Vas-y, comme ça, là, pendant qu'il dort, juste pour rire. Il le saura pas. Allez. Ça va être marrant après pour moi. Non, mais pour nous, ça va être marrant, hein. Ouais, mais c'est ton mec qui t'aime, pour il te pardonne tout. Bah oui, bien sûr. Attends, si Toff, il dort avec sa meuf, lui met un doigt, il va être content, hein. Ah bah grave, moi ça va m'exciter. Grave, voilà, c'est ça, tu touches un peu la prostate et tout, grande classe. Allez, vas-y. Non, je veux pas être comme ça. Oh, Morgane. Bah, tu vois, ton mec, il aurait pas hésité une seule seconde, t'aurais mis un wad. Ouais, mais c'est différent. Paf. Bon, Morgane, reste avec nous. Jean-François. Oui. Ah, voilà, bah, maintenant, c'est à mieux, là. J'ai plus l'impression d'être dans une église. Bon, il y a Cristal, il y a également Vanessa, là. Ah, Vanessa. Vanessa, parle-moi. Salut, Jean-François. Je mets ta voix. Tu préfères la mienne ou celle de Cristal? La tienne. C'est vrai. Oh, je suis... Tu es complètement excité. Jean-François, tu me déçois trop. Cristal, écoute, je suis amoureux de Vanessa. Non, mais tu sais... Eh ben, je suis déçu, Jean-François. Il faut que tu comprennes. Non, je comprends pas. Cristal, il faut que tu comprennes. Non, mais je ne comprends pas, Jean-François, explique-moi. Non, mais Jean-François, on peut faire un truc à trois. On n'est pas obligé de choisir. Oui, je vais travailler ça. Non, non, mais on peut faire un truc à plusieurs. Vraiment. Pourquoi il me choisit moi, merde? Parce qu'il kiffe. Hein? Je pense à me caresser. Oui, caresse-toi. Vas-y, vas-y. Attends. Oui. J'abaisse mon sous-vêtement. Oui. Oui, abaisse ton sous-vêtement. Ah, j'abaisse mon... Vas-y, vas-y. Et je suis un beau gosse, hein. Attention, oui. Je suis un beau gosse. Hein. Ouais, je n'en doute pas, j'imagine. J'ai 49 ans, je suis un beau gosse. J'imagine très bien. Mais oui. Bon, j'abaisse mon sous-vêtement. Oui, et prends-la en main. Et je prends ma queue en main. Oui, vas-y, prends-la. Quelle taille fait-elle? 9 cm. Ah, oh, mon Dieu. Oh, c'est 9 cm. Oui, 19. Passe-moi Vanessa, passe-moi Vanessa. Mais je suis là, on elle est là. On est toutes les deux là. Toi aussi, Vanessa, pas moi, Vanessa. Oui, oui, on est toutes les deux là. Allô? Oh, Oscar, oui. Là, je lui bouffe les tétons. À vous deux, vous êtes... Oui, on est occupés. On se fait des choses. On est occupés l'une avec l'autre. Je vais se quitter à toutes les deux. Ah oui. Ah oui. Tu peux, oui. Est-ce que tu peux lécher le clito à l'une et toucher l'autre? Oui. Et est-ce que tu peux dire avec plaisir. Et laisser le clito en même temps. Ah oui, ah oui. Mais dis ton prénom. Donne ton prénom. Dis ton prénom, dis Jean-François, ça nous excite. Jean-François. Ah, encore. Oui. Encore. En plus, ça fait une semaine, là, on est en manque. Ah oui, on est en rute. Dis Vanessa. Oui, comme deux... Vanessa. Comme deux grosses chiennes. Vanessa. Dis Jean-François. Jean-François. Oui, Vanessa. Encore. Aux générations. Ah hein. Oui. Pas avec moi. Vas-y, assieds-toi. Vas-y, vas-y. Venez me voir, venez me voir. Oui, on est là, on est là. On est là, fais-nous entendre. Continue. Fais-nous entendre ton asticage. Attends, je t'en fais entendre. Mais je suis là. Fais-nous écouter. Voilà, c'est ça que je veux entendre, oui. Encore, continue, ah t'arrêtes oui, pas. Ah on n'entend que ça. Oh oui, ça m'excite quand j'entends le bruit de ton gland. Vas-y, fais-moi entendre. Voilà. Oh oui, continue. Oh, me gerber à tout moment. T'arrêtes pas, continue. Ah oui, hein, c'est génial. Oh là là, on est toutes chaudes. Je me suis rasé. Oh, oh c'est beau. On trouvait ça plus beau, justement. Oh là là. Continue à dire ton prénom. Jean-François. Oui, vas-y. Encore. C'est ton prénom. Encore. Fais-nous entendre le bruit, écrit Jean-François. Tu te prends dans le vrai. Oui, hein, vas-y. Vas-y, fais-nous entendre. Et prends-nous le vrai tout en te branlant. Attends, je vais écouter. Non, continue. Prends-nous le vrai tout en te branlant et donne ton prénom. Écris-le bien fort qu'on t'entende. Jean-François. Oui, mais mets le téléphone près de ta bite. Jean-François. Mets le téléphone près de ta bite. Massure-toi. Oui, toi aussi. Ah oui, c'est ce qu'on fait. Massure-toi. Continue. Oui, on est là toutes les deux. On s'occupe de toi, on est la ring pour toi. On va entendre le bruit de ta bite. Attends. Vas-y. Écris ton prénom. Dis Jean-François. Quelle horreur. Dis Jean-François. Oui. Non, dis Jean-François, dis pas Jean-François. Oui. Jean-François, oui. Jean-François. Continue. Jean-François. Vas-y. Oh, c'est trop beau. Bon. Oh, continue, Jean-François. Oh. Oh. Calme-toi. Vas-y. Excusez-moi, je vais mettre un doigt dans ma gorge et je vais vomir. Hein. Je reviens après. C'est un orgasme. Continue, Jean-François. Ah oui, continue. On est au bord, là. On va exploser. Il faut qu'on termine en même temps. Je me masturbe. Oui. Oui, dis-nous quand t'arrives au bout, on arrivera au bout en même temps. Ah oui. Je veux jouir. Vas-y, préviens-nous. Hein. Vas-y, fais-nous entendre, écris ton prénom. C'est ça, viens, je veux jouir. Vas-y, écris Jean-François. Oh, Jean-François. Oh oui, encore. Continue. Oh, vas-y, Jean-François. J'ai joué. Non, déjà. Oui, déjà. C'est vrai, c'est fini, il est partout. Fais une ce moment. Je vais laver. Oui, va te oui, laver. Oui, va laver. Oh Jean-François, c'était beau. Oh, c'était bon. Oh, c'était magnifique. Oh Jean-François. Bonjour Vanessa. Oui, je suis là. Vanessa. Oui. Elle est là. Non, c'est pas ça, ça. Je suis là. Elle est là. Passe-moi là. Mais je suis là. Elle est là. Mais c'est pas ça, Vanessa. Je suis là. Elle est là. Passe-moi là. Elle est là. T'es jalouse, hein. T'es jalouse, hein. Je suis là. C'est Vanessa. Vanessa. Oui. Elle est là. Viens faire l'amour par téléphone tous les deux. Mais on vient de finir, là. Non, je peux encore. Tu peux encore? Moi, je peux encore. Fais-moi écouter. Oh oui, encore, Jean-François. Moi, je l'appelle plus, c'est fini. Ça suffit, les conneries, là. Il y en a marre. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il a beaucoup de... Il a un gros moteur. J'ai éjaculé pour Vanessa. Oh oui, génial, je suis tellement ravi. Oui, oh, c'est... Merci beaucoup. Il en reste encore un peu dans le réservoir ou pas? Il en reste, je vais jouer. Encore? Encore, vas-y. Ah, vas-y, continue. Jusqu'au bout. Je peux faire un litre de sperme par jour. Un litre de sperme, c'est beau. Vas-y, reprends-le. Oh, vas-y. Redémonte-nous. Allez, donne ton prénom. Jean-François, dis-le. Encore. Fort. Vas-y. Fort. Oui. Vas-y, que je te prenne un vrai pas. Oui, vas-y, défonce-moi le four. Mais dis Jean-François. Et tape plus loin, je suis pas ta mère. Je défonce au cul. Oui, ah, défonce-moi. Ah, je te défonce. Vas-y, oui, encore. Mais dis ton prénom. Encore, donne ton prénom, ça nous excite. Ah, oui. Jean-François. Vas-y. Plus fort. Vas-y. Plus fort. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vanessa. Vas-y. Joue, Vanessa. Oui, oh là là, je suis pas loin. Mets-toi un doigt dans la chatte. Bah, ouais. C'est fait depuis longtemps. Il y en a deux. Oui, trois. T'as trois chattes? Oui, j'en ai une énorme. Mais non, trois doigts. Je te pénètre. Oui, vas-y. Oui. Vas-y, comme un bourrin. Allez, bah, continue. Non, mais je suis là. Elle est là. Non, c'est pas Vanessa, ça. Mais si, je suis là, regarde, il y a Vanessa, c'est moi, et il y a Crystal. Je suis là. Voilà, elle est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et ta grosse bite, elle est là? Elle fait 19 centimètres. Oui, 19 centimètres. Mais continue. Dis ton prénom. Continue à dire ton prénom et va jusqu'au bout maintenant, t'arrêtes plus. Jean-François. Vas-y, jusqu'au bout. Jean-François. Jusqu'au bout. Excuse-moi, t'as pas me sucer? Si, si, voilà, regarde. Tu me suces là, ça va tout. Ah oui, hein, c'est énorme. Ah, tu me suces, ma belle bite. Bon, pardon maman si tu écoutes. Elle est belle, hein. Ma queue, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. On bon, désolé. Jamais vu une si belle. Désolé maman si tu m'écoutes. Très doux. Oh là là, c'est énorme. Bon, va jusqu'au bout, Jean-François. Oh. Oh oui. T'es au bout plaisir. Là. T'es bien au fond. Je suis dans ton vagin. Ah, oui. Fais-nous entendre. L'anus, je peux faire l'anus. Oui, vas-y, donne mon petit trou. Fais-nous entendre. Attends, tu vas écouter. Fais-nous entendre. Oui. Oh oui, dis Jean-François. Crie ton prénom. Crie ton prénom, Jean-François. Oui, mais crie ton prénom en même temps, sinon ça ne les excite pas. Oui. D'accord. Jean-François. Encore. Oh, ça y est, on a joui. Toutes les deux en même temps. Oh là là. C'était beau, Jean-François. Oh, c'était magnifique. Et toi, t'as fini? J'ai pas éjaculé encore. Mais vas-y, alors qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Vas-y. Bonjour, Vanessa. Oui, je suis là. Elle est là. Non, c'est pas toi, Vanessa. Mais si, c'est moi. Elle est là. Mais si, je suis là. Mais oui, elle est là. Je suis là. Elle est là. Oui, enfin bon, il y a un moment, c'est tout sec, hein. Ça, je vais éjaculer, je vais éjaculer. Bah alors, vas-y, bah alors là, putain, c'est long, là, j'ai l'impression d'être un four. Tu sens que je vais éjaculer? Non, je sens pas, mais vas-y, là. Vas-y, astique-toi, écris ton prénom. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Plus fort, plus fort. Plus fort. Éjaculer. Ça y est? Ça vient à 30 secondes. À 30 secondes, alors vas-y. Vas-y, plus vite. Là, ça a coûté. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Vas-y, 30 secondes. Plus vite. T'as entendu? Oh oui! Ça y est, t'as fini? Oh, c'était trop bon! J'ai joué. Ah! J'ai enfin trouvé la lampe du génie! Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux! Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top! Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Oh, c'était bien. Oh oui. Oh, c'était magnifique. Encore. Et jeune Françoise qui dit n'y a que sur Fun Radio qu'on vit de grands moments comme celui-là. Ou encore Christian qui dit mort de rire. Oh oui, merci à tous d'être là tous les soirs. Bon, Christa, tu peux être occupée de Polo là. Oui, j'y vais. Oh, il va kiffer ce gros cochon là. Oh oui. This one goes out to all the lovers. Just when it's different girl. Pharrell Williams sur Fun Radio avec Marilyn Monroe, c'est le nouveau. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'ai mis une photo de Pharrell Williams tout à l'heure avec son nouveau chapeau qui déchire tout. Il est à vendre si vous voulez. Pour pas cher. Mais moi, j'en veux bien. Ah, bah, il est énorme. Moi, j'adore. $9,000. Ah oui, bah non, alors non. Non, bah tu vois. Voilà, si vous voulez aller voir, facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Extra Gornax, sur le Twitter. La fun porn, le phone sex partout en France. Eh oui. Au secours, vous êtes horrible. Faut l'enfermer, Jean-François, c'est Gérald. Il y a jeune François qui dit il y a que sur fun qu'on entend ça. Mister Pepper qui dit ah, c'est trop bon, suce ma bite. Qui dit mon pauvre Mickaël, pas de chance. Oui, ça c'est. Désolé. Ah oui, ça c'est clair. Après le gars qui se branle sur ta photo, ça maintenant. Ah ouais, putain, moi je les collectionne. Christian qui est mort de rire, il y a Yohan qui est trop fort, off, se fait même rejeter par Jean-François, mais quel déchet. Personne ne m'aime. Ah ouais, c'est clair. J'ai envie de gerber avec Jean-François, c'est trop dégueu. C'est Xavier, Justine aussi, trop dégueulasse, je veux vomir. Sambi aussi, mon avenir est lié au tien. Quand t'as commencé le morning, j'ai trouvé boulot, t'as commencé le soir, j'ai été viré, maintenant je suis au chaume du. Et kiffé, je suis au top. Ah bah écoute, très bien, c'est vrai que tu me suis, c'est bien, bah continue, j'espère que tu vas quand même trouver un taf. Hein. Et Christophe qu'il y a, Christelle et Vanessa me font exploser de rire. Le JF est vraiment à fond ce soir. Ah ouais, il était chaud là. Taquet, hein. Romain aussi, oh my god, c'est dégueulasse. Et Ludivine qui dit qu'elle est gros dégueulasse, mais c'est une horreur quand même. Bon, il y a plein de messages encore, hein. On va en lire tout à l'heure encore d'autres messages. Et Geoffrey qui dit la seule émission où on peut entendre un mec se branler à la radio, respect. Ah ouais, quel respect. Drakit aussi, allez, continue comme ça, JF. Ah et c'est bon, il y a eu sa dose, hein. Mais il voulait une troisième, et c'est bon. Ouais. Et endurant le garçon hein. Eh ben il est endurant, c'est vrai ouais. Bon, en parlant d'endurance, on va voir lequel va repartir avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Dans le top tweetos que l'on fait tous les soirs à 2h du mat, on vérifie à 2h du mat tout simplement quel est l'auditeur le plus influent avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et le numéro 1 repart avec un sextoy. On fait un petit point maintenant. Donc si jamais tout s'arrêtait maintenant, qui serait le numéro 5? Et Christopher. Le numéro 4. Fred S34. Le numéro 3. Elliot. Le numéro 2. Extra Gornax. Et enfin le numéro. À nouveau Extra Gornax. Oui. Et numéro 1 Drakit. Drakit, bien sûr. Très bien. Bon, il vous reste 20 minutes pour faire changer ça, hein, faire pencher les balances à gauche, à droite éventuellement. Hashtag et Mickaël, balancez un maximum de messages tout simplement. Il y a Alexandre qui dit JF mort de rire, première fois qu'on vous écoute. Message de bienvenue. Bah bien sûr Alexandre, avec plaisir pour le message de bienvenue. Merde, j'ai poussé sur un mauvais bouton, dis donc. Hop là. Voilà, tiens pour toi Alex. À te faire enculer au PD, va. Voilà, et bienvenue à toi Alex. Extra Gornax qui dit je vais vomir, ah mais ça va pas tout de suite. Drakit aussi avec après avec tous mes potes, je leur dis Jean-François avec la voix de JF. Jean-François. Et Elliot également qui dit mon prénom. Et Emily aussi, JF et ses drôles de dames, j'en peux plus, je vais réveiller ma mère. Oh ça va, tu l'as réveillé ou pas, dis-moi. Allez, balancez tous vos messages, on fait les appels de Toff, les derniers là. Ah. Ah bah oui, et puis on récupérera Morgane juste après. On aura Polo contre le reste du monde. Yep, hein. Eh oui, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas, hein, si vous voulez passer l'antenne avec Polo, c'est entre 1h55. Et 2h plus ou moins, il suffit d'appeler maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique pour passer en direct. Bon, on s'est rendu compte dans un sondage français. Oui, oui, un bon français. Eh oui, qu'apparemment, donc, si une fille n'avait pas trouvé l'amour après le cinquième mec, c'était mort. Oui, c'est fini, il faut abandonner, ça ne sert plus à rien. Donc, on appelle des gens depuis tout à l'heure grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Eh bien, on appelle des gens afin de vérifier justement ce sondage, afin de voir s'il est vrai ou pas. Et c'est surtout prévenir les gens. Mais oui, allons-y. Voilà, on y va, c'est parti, on appelle. 1h42 du mat, on est toujours en mode. En direct sur Fun Radio sans pub. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir avec combien de partenaires vous aviez déjà eu des rapports sexuels. Pardon? Avec combien de personnes vous avez déjà fait l'amour? Pourquoi cette question? Bah pour savoir madame, c'est... Vous êtes qui déjà? Moi je m'appelle Toff. Oui, et alors? Et donc je voulais savoir avec combien de personnes vous aviez déjà eu des rapports sexuels. Et comment ça se fait que vous me permettez de... Enfin, vous permettez de m'appeler, de me poser une telle question déjà? Bah parce qu'en fait j'ai fait votre numéro, donc du coup je tombe sur vous et je vous pose la question. Bon, vous ferez mieux de raccrocher parce que sinon c'est moi qui vais le faire. D'accord. Oui mais répondez à la question avant madame. D'accord. Bah non mais répondez à la question. D'accord. Non, bah, apparemment pas. Bon, on la rappelle la petite dame là. Bah évidemment. Bah oui. On raccroche pas comme ça. Bah je te confirme, Morgan et Rachid de retour dans quelques minutes. Et elle écoutera Route 94 aussi avec My Love. C'est endormi comme ça. Hop. D'un coup, sans prévenir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais ça a raccroché. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, bah allez-y, je vous écoute. Hein. Ben en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir avec combien de partenaires elle avait déjà eu des rapports sexuels, votre femme. Ouais. Et vous voulez un coup de main pour mon téléphone à sortir et nous poser ça comme question? Ben non, vous voyez très bien que j'y arrive très bien à vous appeler, monsieur. C'est juste pour avoir la réponse. Que ça peut vous foutre en même temps? Ben c'est juste pour savoir, monsieur. Ah ouais. Et je peux savoir qui vous êtes? Oui, Moi, je suis Toff, monsieur. Ah Toff. Oui. Ok. Voilà. Pas de souci. Bah écoutez. Oui. Moi je vais vous dire gentiment, allez vous faire gentiment enculer, comme ça vous aurez un partenaire de plus qui vous le mettra dans le fond et puis après on verra, d'accord? Bah, allez, oui, mais ça répond pas à ma question ça monsieur, allô? Ouais, bah ouais, allez. Oh. Mais il a quand même dit gentiment d'aller te faire enculer. Oui ouais. C'est vrai, et ça c'est gentil. Bah, ce qui est quand même plutôt cordial. Oui j'ai trouvé ça aimable. Voilà, pas comme tout à l'heure. Non, j'ai bouffé la chatte à sa grand-mère, ça se voit. Tu vois, c'était pas comme ça quoi. Voilà, bah la putain de ta grand-mère. La putain de ta grand-mère. Bah, j'ai baisé avec ta chienne moi. Ouais, ouais, t'es gentil hein. Ah bah tu te le mets dans l'anus. Très gentil monsieur qu'on a eu tout à l'heure, là, vraiment très très gentil. Je ne sais pas qui nous a envoyé ce numéro mais très bon choix. Mais on l'a gardé. Ah bah continuez comme ça à envoyer des numéros de téléphone pour qu'on puisse faire des appels tous les soirs entre 23 et 2h sur Fun Radio. Sur le mail de Toff vous envoyez ça toph@funradio.fr. Momo. Oui. Bon, le retour Morgan là de Belfort, il y a des problèmes de la famille puisque bah son beau-père, donc le mari de sa mère, sort avec une amie de Morgan et il y a Rachid également, le Lyonnais qui est avec nous. Comment ça va Rachid? Ouais, ça va Stéphane. J'ai oublié le prénom tellement je suis en train de penser à l'affaire de Morgan là. Mais qu'est-ce qui va pas? au départ, qu'est-ce qu'elle a dit, ma meilleure amie, elle sort avec Non, c'est une amie. Hein? C'est pas la meilleure amie, c'est une amie. Au départ, elle avait dit... Oui, après, elle a dit c'est une amie. Ah, d'accord. Oui, c'est possible. Ouais, d'accord, ok. Après, elle a dit comme quoi sa mère... c'est la preuve, c'est qu'elle avait eu la preuve sur place, sur Internet, sur Facebook. Qu'elle avait eu ça sur Facebook. Mmh. Qu'elle venait de l'apprendre. Et au départ, elle a dit qu'elle venait de l'apprendre. À l'instant, et après, elle a dit Facebook. Hey Rachid, tu fais une explication de texte, là, ou quoi? Non, il enquête. Est-ce que tu confirmes tout ça, Morgane, ou pas, là? Non, j'ai pas compris. Je comprends pas toi, ce que tu dis, là. Hein. Bon, attends. Que l'alcool ne l'aide pas. Hein. Rachid, c'est quoi le problème, dans l'absolu? C'est la meuf, la petite, là, la petite jeune. Oui, Morgane. Ouais, Morgane. Morgane, moi, je pense en vérité que t'es en train de déconner. Je crois pas, non. Ben si, t'as quel âge? Dis-moi, t'as quel âge? À la limite, j'ai 21 ans et à la limite... T'as quel âge? Ouais. Dis-moi, c'est pas, y a pas la limite, y a l'âge... Oh. Non mais c'est façon de parler. Voilà. T'as 20 ans, 18 ans, 19 ans. Ben 21 ans. 21 ans, ok, d'accord. T'es la copine à ta mère? Non, c'est sa fille dans l'absolu. Ouais, non, t'es ami avec ta mère, t'es proche avec ta mère, t'es proche de ta mère. T'es la première fille. Bah, ils habitent ensemble, quoi. On est dans une autre dimension. Ouais, je pense. Ah, okay. Non. Je comprends pas. Recomposée. Rachid, je comprends pas où tu veux en venir. Ouais, moi non plus, en fait, là. C'est une famille recomposée, en fait. Bon, oui. Alors, t'es la première. Après, il y a eu quatre autres enfants avec l'autre mari. Voilà. Voilà, on est d'accord. Voilà. Non, je vois toujours pas où tu veux en venir. Je veux en venir que, moi, en vérité... T'es d'accord avec tout ça? C'est parfait. Non, c'est pas ça. Ah. Prends ta mère... Il dit, c'est pas la peine de lui jeter ses sacs dans le bar et tout, faire les pochetrons. Tu vois quoi? Tu prends ta mère, tu prends le sac du beau-père, tu les mets à la porte et tu t'occupes de ta mère. Voilà. Câline-la, tout simplement. Tout le monde dehors et tu restes toute seule, Morgane. Voilà. Et moi, je dirais, Morgane, va chez ta mère aussi. Pas besoin d'aller dans le bar et faire un. Et dans le café avec sa copine et son copain et tout ça. Et faire la comédie. Qu'est-ce qu'il raconte là? On est complètement paumé. Cajole ta mère. Putain, cajole ta mère. Ta maman, parce que c'est là qu'elle aura plus besoin de toi. Et s'il a besoin de réconfort, je suis là. Et des enfants. Le beau-père, il a trouvé une autre meuf, tant mieux pour lui. Ta mère, un jour aussi, elle trouvera un autre pédo. Aussi bien. Oh putain, je suis fatigué. Il m'a fatigué, Rachid. Un autre pédo. Je croyais que JF m'avait fatigué, mais non. En fait, c'est un connard. Tu vois quoi? Mais ça, on savait déjà, Rachid. Mais ouais, mais c'est sympa. Mais il a raison. Cajole-la. Exactement, tu dois la cajoler. Ben merci, Rachid. Et câline-la. Ah, voilà, parce que c'est pas la peine d'aller au bar et de lui jeter des affaires au bar et tout. Bah ça dépend, si on fait ça en direct, c'est intéressant, mais crier, gueuler, pleurer, tout ça. Tu vois quoi, ça sert à rien. Voilà, bah très bien. Bah parfait, Rachid, je suis d'accord avec toi. À la porte, tu mais exactement. Tu fais changer les serrures. Voilà, change la serrure. T'appelles les queues. Et tu changes le frigo aussi. Voilà, tu fais changer. Bah oui, il faut changer le frigo, attends, parce qu'après le mec il va croire qu'il est encore chez lui. Tu prends ta mère et tu la cajoles. Et tu la cajoles, exactement. Ouais, tu fais ça dans les règles. Bah oui. Voilà. Ah, c'est ça, il faut faire ça pendant qu'elle a ses règles, Morgane. Mais elle met un tampon ou pas? Bah évidemment. Bon, bah merci beaucoup, Rachid, en tout cas. Ouais, voilà, tout ça. Voilà. Et bah écoute. Ta mère et puis il fait ça dans les règles. Exactement, pendant qu'elle a ses règles. Donc. Sans crier, sans. Ok. Sans faire le bordel, quoi. Et bah pas de problème. Le bordel, c'est facile. Bah évidemment. C'est facile. Bah très bien. Bah merci beaucoup, Rachid. Hein. Ouais, de rien. Bah passe de une bonne soirée en toi, en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Salut, Rachid. Mais et Pasadena, c'était la classe. Hein. Ah, merci, Rachid. Voilà quelqu'un qui a du goût. Merci beaucoup, Rachid. Salut à toi. Allez, ciao, Rachid, merci à toi. On était bien là. Ah oui. Là, il y a message. Il y a Christian qui dit mort de rire, l'alcool fait apparemment des ravages. Oui. Il y a quoi? Il y a Mister P. De quoi, Christian? Non, je vous entendais plus, c'est bon, ça revenait. Ah si, on est là. Donc t'oublies pas, tu cajoles ta mère. Pendant qu'elle a ses règles. Ah, ça, y a pas de problème. Mais uniquement pendant qu'elle a ses règles. Hein. C'est très important. Donc faut que tu regardes bien sur le calendrier pour la date. Voilà, mais apparemment, c'est important, quoi. Voilà. Ah bah oui. Il y a Sylvain qui vient de m'envoyer un mail qui dit Sandro prend des mecs bourrés au standard, on comprend rien. Ouais, mais c'est parce que elle-même la picole facile, donc bon bah, voilà. Non, moi aussi je comprenais pas, j'ai dit les mecs ils vont comprendre. Ah oui, bah tu as compris pourquoi on était bourré ou quoi? Non, mais on a compris. Il a dit quoi? Il a dit qu'il fallait cajoler sa mère pendant qu'elle avait ses règles. Voilà, il lui a dit ça sert à rien d'aller faire le cinéma. Il a dit tu jettes pas jeter les affaires. En fait, c'est parce que c'est pour toi qu'il dit ça, tu vois. Peut-être. Voilà, il te préserve, il dit voilà, cajole ta mère. Il y a Didoudoudi sur le Twitter qui dit il est ouf le Rachid. Mister Pepper qui dit wow, le mec est dans un autre monde. Il a poussé trop loin sur le bouchon, Maurice là. Il peut peut-être pas hier soir, je crois qu'il a rien compris l'histoire, le mec. Et Snorky55 sur le Twitter, putain, il est arrangé, Rachid, là, il en tient une bonne. Oh, il était gentil. En tout cas, ça partait d'un bon sentiment. C'est ça. Oui. De conseil. C'est le principal. Service. Exactement. Réveille ta mère et cajole-la en direct. Voilà. Bon, Morgane. Oui. Bon, quand est-ce que tu vas faire le coup des sacs alors dans le bar, là, qu'on t'appelle pour qu'on soit là en direct? Ça sera la semaine prochaine. Bon, alors tu nous tiens au jus, je te renvoie chez Sandro et puis on fait ça en live. Eh ben y'a pas de soucis, je peux passer une petite dédicace? Eh ben alors vas-y, choisis une personne et choisis la bonne. D'accord, eh ben je fais une petite dédicace, c'est à Rémi, c'est mon prof de sport, voilà. D'accord, eh ben le message est passé, pas de problème, salut Bobo. Bah allez, salut. Ciao, à bientôt, gros bisous. Allez, dans un instant, Polo contre le reste du monde, on aura le top tweetos également. Il y a Émilie qui dit, je pourrais avoir un petit message de bienvenue, s'il te plaît. Un bien dur. Ah, t'es comme ça alors, toi. Alors, attends. Elle aime bien quand c'est bien dur. Tu veux un bien dur? Eh bien, Émilie, voici. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre puisse porter. T'as compris, enculé? Voilà. Sinon, j'avais ça aussi qui était pas mal non plus dans le style. Oh, mais c'est ta mère, hein. Je te fais bander, moi. Je vais t'enculer. Je vais te montrer comment tu vas passer. Oh, grosse pute. Voilà. Voilà. Donc, ces deux-là étaient plutôt pas mal. C'est le daron de Mehdi. Ouais. C'est le Marseillais, là. Voilà. Je pourrais avoir un petit message de bienvenue, s'il te plaît. Un bien dur. Ah, mais non, je viens le lire. Autant pour moi, c'est Émilie. Et puis mon cœur est triste, qui dit une certaine Julie envoie des SMS à mon mec à 4h du matin pour lui dire je voudrais être ta petite femme, mon amour. C'est moi qui lis les SMS. Non. Je le réveille en lui jetant son téléphone en pleine tête, debout et dégage. Récupère le numéro, on va l'appeler. Ah bah ouais, nous avec on l'appelle plaisir. En direct. Ah, attends, et tu penses évidemment. Je trouve qu'on en prend trop pour notre grade où les fans comptent toi dans ton émission. Mais non, pas du tout, Thomas, c'est pour Valet. Et Déborah également, bonne fin de soirée à vous, toute équipe de fun, surtout à toi, Mickaël, et bonne nuit. Bah, merci, Déborah. Allez, dans un instant, Polo Against the Rest of the World, avec ce putain de very good accent, n'est-ce pas? Yes, it was very nice. Mais oui, mais avant, ça, on va mais avant ça, on va te chiller pendant que Toff va chier. Et évidemment, à 1h52 du matin, avec Route 94 qu'on écoute maintenant. C'est My Love sur Fun Radio. Bonne nuit, tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue sur Fun Radio, on est là de 23h à 2h tous les soirs. Voilà le son de Route 94 à l'instant sur Fun Radio, c'était My Love. Bon, eh ben, il est temps là maintenant, hein, temps de faire un tour du côté du Polo Against the Rest of the World. Oui. Cette grande émission qui dure quelques minutes, hein, tous les soirs sur Fun Radio, c'est parti, c'est la seule émission de ce style. C'est vrai. Pour l'instant. Bon, on compte certainement sur des gens sans imagination pour la copier, bien ouais, entendu. Ouais, mais ils y arriveront pas. Bon, ce sera une mauvaise copie, mauvais, comme tout le reste d'ailleurs. Ben de toute façon, ouais. La copie est toujours plus mauvaise que l'original, ça tombe toujours. Sous le sens. Évidemment. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio. Le standard est blindé, n'appelez plus. Enfin, décidez toujours, on va vous trouver une place. On commence avec Michel. Non, avec Robert du Café des Sports. Allô? Allô, Robert? Bonjour. Ouais. Alors, moi, j'ai réfléchi. Du coup, je t'écoute. Et donc, moi, je pense que il faut pas qu'il cajole sa mère. Qui ça? Momo. Il n'y a pas de Momo, il cajole pas sa mère. T'inquiète pas, Julien, dans Polo contre le reste du monde, pardon. Oui, c'est moi. Ouais, Julien, je t'écoute. Oui. Et moi, je voulais juste dire que le mieux, c'est les cougars. De quoi? Les cougars, c'est le top. Les cougars? Oui. D'accord. Et sinon, je peux faire un petit dégât? Non. Aurore, dans Polo contre la seconde, je t'écoute. Ouais, franchement, c'est un grave enculé, hein. Qui ça? Bah toi. Ok, bah, Amel, Mariam et Fatima, je vous écoute. Fatima, c'est quoi? C'est quoi? Oh, c'est un gros bâtard. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est un casse à 5 qui Aurore, hein. Ok, Joséphine, dans Polo contre la reste du monde. Joséphine. Oh, Polo, qu'est-ce que tu fais? Ça fait une heure que je t'attends. Tu m'attends où, Joséphine? Eh bien, si tu viens, t'auras droit à un bout de chocolat. Ok, d'accord, j'arrive. Anaïs. Ouais, putain, ça fait 30 ans que je t'attends au café. Bon, quoi. Bah tu vas continuer à attendre. Aurélie. Hola, hein. Allô. Lia. Ok, c'est 100% femme ce soir. Robert, le retour. Ouais, non, mais parce que y avait Momo. Ouais. Et Momo, il était là parce que... Alors, j'ai bien compris l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait sa copine, que c'était sa meilleure amie, mais ouais. Que ça l'était plus. Ouais. Que après, le beau-père de sa grand-mère, qui avait eu une relation avec la chèvre... Je crois que tu te trompes un peu, Robert. Arrête l'alcool. Michel. Ouais, Polo. Salut, Michel. Eh, hey, ça va ou quoi? Ça va très bien, et toi? Tranquille. Dis-moi, je voulais savoir si je pouvais baiser ta meuf ce soir, là, putain de soir. Hein? Non mais juste comme ça, c'est juste un seul soir et puis après c'est fini, hein. Hein? Michel. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hey, Michel, je t'encule. Qu'est-ce que tu dis? Va te faire mais je t'emmerde. Je t'emmerde. Michel. Michel. Michel. Ouais. Oh là, il m'a saoulé. Julien. Oui. Ouais, je t'écoute. Eh ben, je voulais faire une dédicace. À qui? À tout le TPL. Ok, c'est fait. Aurore, le retour. C'est pour faire une dédicace. Je t'entends pas, Aurore, oh là là, parle devant le micro. Ta gueule. Oh, c'est toi qui allez, casse-toi d'ici, je t'ai viré du standard. Amel, Mariam et Fatima, je vous écoute. Oh, polo, oh, polo. Ouais. On va t'acheter un polo. Oh, oh là là, qu'est-ce qu'on rigole. Joséphine. Oh, polo. Ouais. Je oh, super, Anaïs. Putain, tu me manques, quand je t'aime, quand. Putain, viens, je t'attends, quand. J'arrive, Anaïs. Aurélie. Oh là là là là. Bon, on va faire un dernier tour pour terminer ce polo contre le reste du monde. Vous êtes prêts? Accrochez vos ceintures. Julien. Julien. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Un petit pack. Allez, casse-toi d'ici, t'auras rien. Amel, Mariam et Fatima, on conclut. Avec plaisir. Joséphine. Allez, viens, je t'invite pour une belle. Oh là là, cette voix de merde. Michel. Ouais, Polo, ouais. Alors du coup c'est bon là, si t'es d'accord, moi je fais ta meuf ce soir et puis demain c'est fini, je la rends. D'accord, ok, on fait comme ça. Polo. Ouais, je t'écoute, Michel. Qu'est-ce que t'as dit alors? Qu'est-ce que t'as dit? Qui? Bah toi. Mais j'ai dit quoi? Bah je sais pas, t'as dit quoi? Cajole ta mère. Oh, tu es con. Oh, tu es con. Bon, Michel. Va te faire enculer. Avec plaisir, on y va. Michel ? Ouais. Allez, casse-toi. Joséphine ? Allez, viens. Casse-toi. Elle a rien compris, elle. Anaïs ? Putain, je vais t'enculer, toi. Avec plaisir, mais prends un gueux de ceinture. Oui, bien sûr. D'accord ? D'accord. Ok, à tout de suite. Aurélie, tu conclus ? Oui, Polo, je t'aime. Merci, moi aussi je t'aime. Et pour terminer, Robert du Café des Sports. Ouais, en fait, t'as raison, Polo, je me suis trompé. Parce que en fait, au début, l'histoire de Momo, c'était qu'en fait, c'était sa meilleure amie, elle était venue à la maison. Ouais. Parce que il y avait donc la chèvre de Monsieur Seguin. Bon, et Robert. Ouais. Bah, cajole ta mère et arrête de nous saouler, ok? Mais non, mais je crois que je suis déjà saoulé là, non? Allez, dégage d'ici, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. N'oubliez déjà pas, si vous êtes doux, restez doux. Ouais. Bah oui. C'est quoi ce slogan de merde, là? C'est un slogan de merde. Ah ouais, parce que là, c'est quand même bien ce qu'on a. Non, vous êtes doux, restez doux, quoi. Non, rien. Ne venez pas dur. Tout à fait. Non, mais très bien. Voilà. Tout va bien. Bon, bah, 2h du mat, on va le faire le top Twitter dans quelques minutes. On aura un générique comme d'habitude, évidemment. Et puis, top Twitter, justement, on va filer le sextoy offert par... Dire.fr, passage du désir.fr. Bon, alors, on file ça au numéro 1, l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Numéro 1, numéro 5, pardon. Numéro 5, le prince Nadia. Numéro 4, Fred S34. Numéro 3, Elliot. Numéro 2, Extra Gornax. Numéro 1, Drakit. Et bah voilà, et comme Drakit a déjà gagné, c'est du coup Extra Gornax qui gagne. Exactement. Et bah voilà, bravo Extra Gornax qui a terminé deuxième, certes, mais comme Drakit a déjà gagné, on va pas l'offrir non plus 150 sextoys. Ça se fait pas. Normal. Voilà. Donc retour de dimanche soir à partir de 20h sur Fun Radio en pleine forme. Et puis on va se quitter maintenant avec ce magnifique générique de fin. C'est parti. Ferme ta gueule de merde. Toi le JB. Tu suces des bidoffes, t'es suces des toi le JB. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Toi le JB. T'es un enculé. Car le JB il avait été son anniversaire et c'est quand même une grosse merde. Oh là, le roi de la rime, hein. Eh ben, je vais baiser avec ta chienne, moi. Ah, quoi ? Ce gros bâtard que t'as marre, hein. Oh, c'est de merde, là, qu'on a tant de pourri, là. Voilà, bah, elle a plus avec ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ici ? Non, je ne bouffe plus la chatte à sa grand-mère. Ça te va ou pas ? Que veux-tu ? Ils sont canadiens. Toi l'enjulé, toi l'enjulé, toi l'enjulé, toi l'enjulé. Gilet. Tu bouffes des bitaves, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules dans l'ongle, vraiment. Oh là là. Oui, tous les deux, on est des gros JB, c'est vrai. Suce JB. Suce ma bite. Voilà, tout simplement. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir été là toute la semaine. On s'est bien marré. On remettra le couvert, évidemment, dimanche soir. À partir de 20h sur Fun Radio. Et puis on va remercier également tous ceux qui étaient connectés évidemment ce soir. Le prince Nadia qui était là, il y avait Fred S34, il y avait Ludoïd 55, il y avait Mickaël Apéro qui était là comme tous les soirs, Christophe également, il y avait Abdou, il y avait qui aussi qui était là, il y avait Uncut, il y avait Johan également, il y avait Top Gear, il y avait Will Deal, il y avait Extra Gornax, pardon, évidemment, un petit nouveau qui est arrivé là. Bienvenue à toi et bienvenue à tous les nouveaux également sur le Twitter et sur le Facebook, de plus en plus nombreux tous les soirs. Merci beaucoup. Bon week-end à Sandro qui va faire quoi? Je sais pas. D'accord. Très bien. Je vais aller chiner. Non, tu vas aller manger. Ouais, elle va aller bouffer. Hein, elle va faire... s'empiffrer. Voilà, et Toff qui va faire quoi? Je vais baiser. Non, oh, je croyais que t'allais dormir tout le week-end. Ouais, mais... Oui, je vais dormir. Je peux dormir à côté d'une meuf. Ouais, c'est vrai. Et Polo qui va faire quoi? Je sais pas, il verra. D'accord. Il improvisera. Bon, bah très bien. Suivant son. Eh ben alors. Il ira là où le vent le portera. Voilà. Improvisons alors. Ouais, c'est ça. Bon, on se retrouve dimanche, à partir de 20h sur Fun Radio. Prévenez vos potes, demain il y a encore cours évidemment, donc bon courage à vous, hein, même si vous avez le boulot. Prévenez vos potes, il se passe enfin un truc à écouter le soir à la radio, 23h, 2h, c'est sur Fun Radio que ça se passe, et tous les dimanches de 20h à minuit. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde, et tu nous fais pas chier, sinon t'as la barbée. Mickaël nos limites, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est JB qui va démarrer. Salut les copains. Bon anniversaire encore, ça. Merci, chérie. Tu t'es un peu emballé là, non? Hein? On peut passer... On peut passer quoi? Je demandais les Magic System. Les Magic System, tu sais quoi? Attends. Je réfléchis. Allez, sois fun. Je réfléchis. Bon, en attendant, n'oubliez pas 6 heures prudents dans la radio. D'ici là, de la vanne. La France. T'as fait. Ah, j'ai la réponse. Ah. Ouais, bah, tu te mets dans le cul, 01, mon gars. Voilà. Pourquoi le 01? Parce que c'est dans les codes de la prog. Ouais, bah, tu te mets dans l'anus. Voilà. Ah non. Tu vois, tu peux te mettre dans la nuit si tu veux. Voilà. Et bon courage à Joey également qui est passé nous voir. Merci d'être passé Joey. Et puis lui, bah tout à l'heure vous le retrouverez à 6h avec Bruno. Non. C'est ça. Attends, on va l'attacher dans le studio en fait. Voilà, on va l'attacher là, on va le mettre à quoi. On va Et ton nom de famille, c'est Star? Non, pas vraiment. Joey Star. Oh la vanne de paix. Et comment Marine peut dire ah vous dites bonjour à JB parce qu'il a des vannes drôles. Mais c'est nul. C'est une auditrice qui d'ailleurs, t'as été, tellement mauvais qu'on vient bientôt t'expulser aux 9h-12h. J'ai dit, moi non mais j'ai ça, dit. Faut pas le dire. Non, moi je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Moi je le dis, je balance moi. Moi je le dis, je balance. Je ne veux plus JB la nuit. On veut plus de JB la nuit. Voilà, moi je veux JB le jour maintenant. On trouvera un autre. Parce qu'il fera moins le malin quand il fera le jour. Oui mais bon, ça faut pas. Pourquoi? C'est une excuse totale, t'as peur que les autres radios changent toute leur programmation quand t'arrives. Bah le problème c'est que la nuit on est numéro 1, donc là ils vont se dire putain les gars, va falloir qu'on mette un gros programme la nuit. Bon allez, bonne nuit tout le monde, rencard dimanche 23h. Dimanche 20h sur Fun Radio après l'Eurodance, c'est là c'est le nouveau Guetta maintenant avec Showtex et Bad. Ah, salut tout le monde, ciao.